Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM comme tous les mardis soirs. Canon, de quelle heure à quelle heure? De 20h à 22h30 si je le veux bien. Et Onissa, sur quelle station? 95 FM. Absolument. Vous et trouvé... quatre, le numéro de téléphone? Oh bah alors ça tout dépend de où on appelle en fait. Hein, d'accord, ouais. Donc c'est 056 34 07 ouais, bonjour, Onissa, vous la trouvez sur toutes les stations, ça dépend l'heure. Salut chérie. Eh bien bonsoir à tous les auditeurs et auditrices, j'espère que vous portez bien, que vous avez, alors pour nos amis français, passé une bonne fête nationale, hein, le 14 juillet. Ah oui, bah Onissa va nous en parler. C'est évidemment. Anniversaire. Bah oui, on le sait. Bah d'ailleurs, on va le faire tout de suite. 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Onissa. Joyeux anniversaire. Bon, c'est fait. J'adore. Donc tu nous feras plus chier pendant un an, c'est bien. Eh ben j'adore quand même. Eh bien bonsoir Onissa, ça va bien? Ça va mieux, merci. Vous m'avez manqué bah la semaine passée. Bah oui, la semaine dernière on s'est inquiété pour toi, un petit coup de mou? Non. Non, deux petits coups de dur. J'aurais bien aimé deux petits coups de dur, mais c'est un petit coup de mou. C'est un petit coup de mou, ça va mieux? Bah il faut hein, quand même. Bon, ça va, c'est la santé? Non. Ah, bon ça va. C'est l'âge, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais, plus, alors ça fait quoi d'avoir 50 ans? Oh, non, c'est pour toi ça, chouchou. Ta gueule. C'est qui? Eh oui, ris pas, Canon, parce que toi bientôt, tu vas y passer bientôt. Bientôt. Y passer bientôt. Bientôt. Bientôt hein, on est quel jour là? On est quelle date? On est quel... 18. 18. Le 18. Dans une semaine. Allez, une semaine. Une semaine et un jour. 6 jours. Ça approche. 6 jours, 40 ans. Non, non, 50, 60. Fin de l'adolescence, début de la vie de jeune homme. Mais... Tu vois, 50 tu vois, ça mais, et 60 oui, quand ça, on le voit oh, courir. Ça reste très bien se passer. Et 60 d'ailleurs, quand on le voit courir. La semaine prochaine, tu pourras nous trouver Reggiani qui chante la cinquantaine. Ah, on, oui. Va le dédicacer, on va le dédicacer à Canon. Oh, bah, j'espère que vous allez me faire une rétrospective. Pour mes 50 ans, moi je vous le demande. J'espère que vous allez me faire une rétrospective au moins, cassez-moi. Ah oui. Je vous en ai tellement mis sur les gueules. Rassure-moi, qui ne concerne que la radio, parce qu'après si je fais une rétrospective. Ah, ma vie sexuelle, tu peux. Personnelle, alors là. Non, mais ma vie personnelle et ma vie sexuelle, dans ces cas-là, on peut commencer de 8h du matin, du vendredi soir. 8h du matin, vendredi soir. Tous les couacs de sa vie, on va l'appeler. Tous les couacs de ma vie. Tous les poils de ma vie. Elle est folle, Onissa, ce soir. Oui, excusez-moi. Eh bien, bonsoir, Onissa, et donc encore bon anniversaire. Bonsoir, Canon. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Même pas laissé la parole, t'as vu comment il a passé? Bonsoir Onissa, pouf, bonsoir Canon, bah si, on t'a laissé parler, après non. Tu parleras, t'inquiète. Non, je ne parle pas ce soir, j'écoute. Après, t'as peut-être préparé une chronique? Non, j'ai rien préparé, dans l'état où j'étais, c'est pas possible. D'accord, ok, ça marche. T'as préparé quelque chose, toi? Oui, bah, bien sûr que j'ai préparé quelque chose, j'ai préparé ma gouaille. Ta gouaille? Absolument. Ta gouaille. Ma verve. Ouais, vaut mieux ça que ta verve. J'ai préparé ma verve. Ça, c'est parti. Canon, est-ce que tu nous as préparé un petit truc? Bah moi je vous ai préparé un très très joli truc qui va arriver, on l'appelle pas truc, on l'appelle oui, invité. Une qui, invitée, absolument. Qui va arriver là dans les locaux incessamment sous peu j'espère, sinon j'ai l'air d'un con. Comme voilà. D'habitude. Non, je vais vous parler de Maureen qui va se produire le 21 juillet et qui va pas tarder, voilà. Et puis d'autres actualités dont je vais vous parler comme ça un petit peu à la fois. Eh bah écoute, ça marche. Ça va bien se passer. Bonne nouvelle aussi également. Et là voilà. Oh, oui. Yeah. Et oui, elle va venir nous rejoindre d'ici quelques instants, quelques notre instants. Amie Maureen qui se produira bientôt d'ailleurs le 21 juillet. Le 21 juillet, donc sur Moucron et nous en absolument, parlera. Pendant dans la fête nationale belge. Voilà. Yeah. Absolument. Absolument. Bonsoir Flip 4. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, hein. Et alors attention, là on va faire. Alléluia. Ouais, ouais. Il pourquoi va faire une chronique avec ouais un groupe. Commercial. Enfin, ouais, commercial, les pas underground. Si, si. Oh, alors yeah. Là, j'ai transpiré hein, pour chercher. Ah, c'est vrai. Ce que j'ai pensé, je me suis dit, sinon je vais me faire taper sur les doigts, donc c'est pas de l'underground, je te rassure. Oui, tu vas nous parler de Chris Rea. Ah, bah c'est bien. Ah, ça va. Bien. Ça va c'est pas sur les doigts qu'on a dit qu'on allait taper. Hein. Non. Si, non. C'est sur ton doigt. J'ai bien fait alors. J'hésitais, hein, je me suis dit, je vais encore faire un truc. Mais non, j'ai bien fait. Oh mon dieu, ça commence bien. Le démon l'habite. Allez, on continue le tour de table, tout de rose vêtu. Il est beau, on dirait un phallus. Sherlock. C'est notre ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, God a sucé. T'es beau en rose. J'adore ça. Les sucettes. Mais honnêtement, ouais. Je sais pas. Merci, Nice. Alors, Sherlock, évidemment, toi, tu vas nous parler de. Alors, tu vas nous parler. Alors, tu vas nous refaire une chronique, oui. Évidemment. Alors, je vais vous faire une chronique, chronique estivale, encore sur les covers. Oui. Mais là, donc, plus sur les covers qui ont été faits dans les années 80 par rapport à d'anciennes chansons, mm-hmm. mais maintenant des chansons qui ont été faites après les années 80. Faites. Qui ont été faites. Qui ont été faites, oui, par oui, c'est après c'est les années 80. Et qui ont été reprises par rapport à des titres années 80. Bien. Et ça, c'est à quelle heure? Ça, ce sera à 21h. À 21h. Ça, ouais. Ça va durer aussi longtemps que la dernière fois. Je sais pas. Tout dépendra de vous. Et à 22h. C'était bien, c'était super. Non, super. Moi, tu nous parles des sorties cinéma, j'adore. C'est ça, ouais. On s'est éclaté, non, j'ai adoré. Si, c'est génial, bien. Franchement. C'est dommage, c'est dommage qu'on puisse pas faire, parce que je pense, alimenter une chronique comme ça toutes les semaines, parce qu'il y en a, mais à travail, et après, il y en a pas non plus 3000, quoi, puisque je suis en fait 300 par émission. Non, j'en fais une petite vingtaine. J'ai de baffé ce soir. Et longtemps que je t'ai pas baffé. Et alors, à part Alléluia, on a oublié de dire, pour ma part, c'est 21h30. Oui, bien sûr. Le timing, bah oui, 21h30, évidemment. Non, mais on s'en fout, toi, t'as ton public qui t'attend, ils sont tous. Non, mais justement, non, j'ai l'impression qu'ils sont désertés depuis quelques temps. C'est vrai? C'est les vacances. Ah, c'est les vacances. C'est ta coupe de cheveux, je crois. Tu crois? Ah, je pense. Ils ne se rendent pas compte? Non. Je vais faire des photos pendant que. Ouais? Pendant que tu. Il y aura peut-être un live. Il y a quelque chose qui cloche? Hein? Quelque chose qui cloche? Non, mais ça, c'est les deux petits vieux du Muppet, là. Les deux petits vieux du Muppet, là. Et vous avez remarqué que, n'empêche, c'est. Chronologiquement, au niveau de l'âge, on a mis les plus vieux à droite et les plus jeunes à gauche. Justement, vous me devez le respect. Oui, bon, on va vous voyez maintenant. Appelez-moi Dieu. Mais allez, c'est le challenge. Moi, au moins, j'ai pas une coupe de cheveux à la con. on va faire un challenge. On ne vous voit, on vous voit Philippe 4 toute la soirée. Ouais, ça, marche. Ça marche. Ça bon, me va, je veux dire. Vous êtes d'accord, ça, Philippe 4 ça marche, ah, ok. D'accord. Ok, on fait comme ça. On le vous voit. Et le premier qui tutoie, il paye une tournée. Ça marche? Oh oui. Ah. Il n'y a plus un mot, dis donc. Il y en a plus un qui vont. C'est bien qui a envie de boire. Tu vas bien? Et il y en a plus un seul qui va lui parler en fait. C'est ça. Comment casser un animateur? Je comprends pas. Même mes groupies passent devant moi, ils font. Et puis évidemment, on reviendra sur ce week-end. Enfin non, oui, enfin sur vendredi, vendredi, sur la fête nationale. Puisque pour la fête nationale française et notamment à Waterloo, on a eu l'occasion donc de rencontrer quelques artistes des années 80. Ah, vous avez trop de la chance, hein, franchement. Oui, c'était sympa, ah, ouais. De belles rencontres. Et puis on vous en parlera bien évidemment. Donc juste après cette coupure musicale, oui. En vous rappelant que d'ici quelques minutes, nous allons recevoir donc. Maureen. Voilà, chanteuse qu'on a déjà reçue dans nos locaux. Voilà. C'est vrai. Je disais, jolie, talentueuse, avec une très très jolie voix, et que vous pourrez retrouver donc le. Ah, parce que j'ai dit talentueuse elle est très talentueuse. Ouais. C'est vrai. Et donc, elle voilà. a un sourire Mimi en plus. Elle, mais tu ne sais peut-être bah, pas. Tu ne crois pas si bien dire, puisque son surnom pas. C'est Mimi. Donc, ah, ouais, tu c'est vois, Mimi. Yeah. Mais elle sait, il paraît qu'elle ne sait pas encore. Mais non, mais sais-tu que j'ai eu l'occasion et la chance de faire une très très belle photo d'elle qui a été un peu une égérie de 80 à l'heure. C'est vrai. À un moment, ah, et, ouais, c'était Exactement, elle a accepté. Sur trois animateurs. Mais je crois que. Non, elle n'est pas sur trois animateurs. Si je peux me permettre. Elle est venue avec son mari. Canon, si je peux me permettre, je crois que ce type de photo aujourd'hui on pourra plus la refaire. Pourquoi? À ton avis. Pourquoi? Je comprends pas. Bon, bah, je t'expliquerai en rentrée. Bah, y'a rien de tendancieux. Fais-nous une petite coupure musicale. Oui, ça marche. Donc. Yeah ouais. Ben, merde, seront... bah oui. Bon, non. Non, c'est pas de la merde. Il a remis ça. Pour une fois, ils seront délicats. Okay. On vous expliquera hors antenne, enfin tout à l'heure non, après. Si elle, le veut bien. Ouais. Si elle le veut bien, on vous expliquera pourquoi, parce que c'est un private joke évidemment. Sherlock. Oui. Bah, on va se retrouver après Quincy Jones et Ina Corrida. Ah oui. Et ensuite, on viendra avec les Simple Minds et Mandela Day, car aujourd'hui, c'est la journée internationale Nelson Mandela. Ah oui, c'est vrai, oui. Et pourquoi c'est, ça veut dire quoi, la journée Mandela? En fait, c'est le jour de son anniversaire. Ah d'accord, de sa mort. Sa naissance. Mets de la musique. Mais effectivement, il est mort. Hein, ça a été confirmé. Oui, oui. L'univers. Et d'ailleurs, je salue Johnny Hallyday au passage. On commence pas avec Johnny. Bon, avant, j'ai loupé quelque chose, apparemment. Bon, allez, on se retrouve tout de suite après ça. C'est parti. Mandela Day. Oh, Mandela Street. from your face. I can feel his heartbeat moving deep inside. It was 25 years they took that man away, and now the world came dancing, Nelson Mandela's free. Mandela Day. Yes. Days ou Day? Day. Day. Day, oui, donc de Simple Mind. Le jour de Mandela. Oui, merci pour la traduction. Mais bah. Pas de broncer. Là, tu demandes Days, je t'explique. Non, mais je vous remercie pour la traduction. Vraiment. Pourquoi alors, faudrait mettre un S à Days? Ben, je sais pas, ça serait des par jours contre, Mandela, Mandela, c'est apostrophe avec un S. Ouais, Mandela's Day, Mandela's Day alors. Day. Le jour de Mandela. Ouais. D'accord, ok. Et ben voilà, au moins, on va pas mourir bête. Donc, nous sommes évidemment avec... Canon. Ouais, salut les gars, c'est génial, c'est génial. J'ai la bite qui gratte. J'ai le slip, j'ai le slip serré, voilà. Alors moi je vais chanter You Raise Me Up. You Raise Me Up. C'est alors, tu vois qu'il y a sa bite qui gratte. Ah, tous les absents, et les absents toujours tort, mon ami Canon. Alors chérie, le problème c'est que maintenant je suis là. Eh oui, bah ouais. Tu t'occupes de ton cas. Ah bah tu peux. Bah, justement, tu vas t'occuper d'un autre cas. Oui. Un cas artistique qu'on adore. Oui. Tu vas nous la représenter, bien évidemment. On la connaît, mais elle a une actualité pressante, puisque c'est la semaine prochaine. Oui. Et elle va nous en parler, bien évidemment. Je vais en faire un peu la genèse. Vas-y, fais la genèse. On est à Waterloo, et il y a une soirée qui s'appelle la soirée, on en parle souvent, la kermesse Saint-Joseph, qui n'a que de nom la kermesse. Et y a c'est des soirée gens... cabaret, d'ailleurs. Soirée cabaret, maintenant, oui, ouais, c'est vrai que ça plutôt, donne ouais, ouais, ouais. La soirée cabaret, et puis il y a des gens qui se produisent, et il y a des jeunes élèves, et il y a des jeunes femmes, des hommes qui se lancent pour la première fois sur scène, qui commencent à chanter. Et je me retrouve avec la troupe Évasion et toi-même, un peu plus structuré, on va dire, un peu plus quand même professionnel, un peu plus l'habitude et l'âge de la scène, et j'entends chanter une petite nana un petit peu paniquée sur les bords et tout ça, et qui m'entend chanter et qui me dit Mais vous, il vous voyait, parce qu'à l'époque j'avais 17 ans. Ton grand âge. Qui me voit, vous chantez pas mal, machin. Ben, je lui dis, attends, tu chantes très très bien aussi, etc. Et puis voilà, Maureen. Et je la découvre pour la première fois. Et toi, tu la connaissais certainement peut-être aussi avant. Un petit peu avant. Jouer, hein, mais je l'ai connue, je crois qu'elle porte encore des couches. Absolument, bah, parce qu'elle est toute jeune. Non, mais je l'ai connue très très jeune. Et donc elle le dira tout à l'heure. Très ouais, moi j'ai dû la connaître, je sais pas, elle devait avoir 17 ans ou 16 ans et demi. Ou... Ouais, ça a été très jeune. L'année dernière. Et puis c'était l'année dernière. Et puis maintenant, les mamans de 12 enfants. Elle a et donc, non, allez, non, mais on délira après, on va présenter l'invité. Et puis voilà, en fait, elle a vraiment une très jolie voix. Elle est venue dans les locaux il y a 3 ans, sauf erreur, 3-4 ans de ça. Ouais. Elle est revenue aussi ensuite. Elle a vraiment une très très jolie voix. Elle est très très jolie, elle est talentueuse. Et elle a surtout mûri. Elle est maman maintenant. Elle a évolué. Voilà. Et puis bah, on a le plaisir de la rencontrer, puisque bah, je vous rappelle quand même, le 21 c'est la fête nationale, il y a quand même la ville de Moucron qui est pas avec 3000 habitants, et elle va se produire donc sur certainement du côté de la Rotonde, elle nous le dira, voilà, et chanter de sa très jolie voix. Et donc voilà, je vous présente mademoiselle ou madame Maureen. Bonsoir Maureen. Comment ça va? Ça va. Alors toi, évidemment, Canon a tout dit. Hein. Je pense que voilà, tu es chanteuse depuis quelques années. Depuis quelques années, hein, depuis l'âge de 4 ans, quoi. Ah oui, quand même. Limite les couches culottes, quoi. Alors, par contre, tu fais que des reprises. Ouais, c'est ça. Que des reprises avec quel type de musique, quel de type tout, de chanson? Je chante de tout. De tout. Ouais. Du Jacques Brel à Adèle, ouais. Charles Aznavour à Jennifer. Excellent. Ah oui, oui, oui. Moi, alors, je découvre. Hein, Maureen se produit un peu partout. Elle s'est produite sur Waterloo, sur des podiums à Waterloo, ouais, je me rappelle. Bon, on a parlé de la soirée cabaret, mais il y a aussi d'autres endroits. Et là, tu vas te produire donc à Moucron. À Moucron. Alors, où ça exactement? Sur la grande scène. Sur la grande scène, carrément. Ouais. Alors, il faudrait que tu nous expliques, parce qu'effectivement, au niveau de la communication... on ne sait pas la programmation en fait sur la grande scène de Moucron, ouais. Le 21 juillet exactement, ce sera des groupes. Ils ont misé plutôt sur du régional, je pense. C'est du cover. C'est que du cover, d'accord. Donc le grand groupe, c'est Cover Rolling Stone. Ouais. Et j'en sais pas plus non plus, quoi. D'accord. Et toi, tu te places où par rapport à tous les groupes? En fait, moi, je me place. Il y a un groupe, je chante. Quand le groupe a terminé, je chante tant qu'il démonte ce qu'il y a derrière. Ouais. Après, il y a un autre groupe. Mm-hmm. Le groupe se termine, je rechante tant qu'il démonte, ouais. Et après c'est le gros groupe. D'accord. Ah, t'es la chanteuse interlude en fait. Voilà. Et alors la setlist, on peut avoir un petit scoop pour savoir ce que tu vas chanter? Eh ben non. Comment t'as cassé? Ah ouais. Non, je rigole. Prends ça. Ah non mais sérieux, tu veux pas nous dire au moins une ou deux chansons? Elle va chanter dans ton cul, Lulu. Elle est cool celle-là, j'adore. C'est vrai? Ah, ça fait quoi? Je connais pas l'air. Et bah tu vas la découvrir. Non mais au moins un titre ou deux, tu peux nous en donner un ou deux quand même. Il y a des nouvelles chansons, je chante du Maria Carré. Ouais. Je dirais pas laquelle. D'accord. Je chante du Whitney Houston. Yeah. Ah, que des divas en fait. Non, parce qu'il m'a dit que je devais chanter beaucoup de chansons populaires. Ouais. Donc j'ai choisi beaucoup de chansons populaires, mais. Est-ce qu'il y aura du Pierre Perret? Non. Non, le zizi, il n'y aura pas le zizi. Bah, c'est lui, populaire. C'est vrai. Il y aura l'habitat du Dul. Ah, il y aura l'habitat du Dul. Et donc, alors, explique-nous, parce que comment tu fais pour te retrouver justement. J'ai deux fois 20 minutes à faire. Ouais, mais comment ça se fait que tu te retrouves justement au 21 juillet à Moucron, puisqu'on rappelons-le, t'es française. Oui. Ouais. Alors, comment t'as réussi à décrocher le contrat? Alors, c'est mon manager qui m'a décroché ce contrat. Ouais. Qui est mon homme. Waouh! Salaud. René, mon mari René. René, ouais. Ce qui est, j'ai travaillé avec Alexandre Deschamps. Ah oui, d'accord. Donc, chanteur belge. Voilà, il m'a bien aidé sur ce coup-là pour faire des maquettes. Ouais. Donc, comme ça, moi, j'ai du concret. Et je suis passée à N'oubliez pas les paroles. Justement, ouais, on en parlera, évidemment. Et c'est grâce à ça aussi que je fais le 21 juillet, quoi. D'accord. Ouais, quand même. Hein. Eh ben, écoute, c'est bien. Tu nous en parleras, hein, ton expérience dans N'oubliez pas les paroles. Ah ouais, parce que... Et pour la petite anecdote, on était dans les deux salles. Elle était dans la salle de gauche, j'étais dans la salle de droite. Mais oui, bien sûr. On était sélectionnés tous les deux, mais moi, je suis trop vieux. Ça doit être une question de physique. Non, mais à mon avis, je crois que t'es pas téléhygiénique, c'est pour ça. Eh bien, Maureen, tu sais que l'émission, bon, c'est 80 à l'heure, tu la connais, tu nous connais depuis longtemps. Pour toi, les années 80, effectivement, c'est quoi, c'est qui, si tu devais nous donner le titre d'un groupe qui a marqué pour toi, qui marque les années 80. Boyo Boyo. Ouais. Alors ça, je sais pas si autour de la table des gens ils s'en rappellent. Non, pas du tout. Si, j'avais raconté. Je l'ai. Non, mais tu me l'as raconté, je le sais. Et oui, voilà, parce qu'une fois. Je peux juste te lancer le début, hein, ça fait ça. Voilà. Oh, voilà. Raconte-nous quand même, parce qu'on aimerait bien ça. Ah, alors ça date. Alors, si ma mémoire est bonne. C'était la première fois, je pense. C'est la première fois où tu venais. Alors, mais par contre, tu venais pas en tant que chanteuse. Non, tu venais en tant que candidate à l'élection de Miss Waterloo. J'aurais étouffé, quoi. Voilà, et on l'avait tiré au sort. Je crois que c'était le défi mix à l'époque, si ma mémoire est bonne, avec Stéphache. Ouais, ça doit être ça, ouais. Oui, et ouais, t'avais tiré au sort un des titres, et on t'avait demandé de lire chanter. Le titre et de le chanter. Et puis elle a dit, bah, c'est Boyo Boyo de Sabrina. Et après, on t'a demandé de le chanter, on était mort de rire. Le Zaï Zaï de Pierre Perret. Ouais. Donc voilà, donc oui, donc effectivement, pour toi, les années 80, alors c'est. Bah, je sais pas, en fait, j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de. Il y en a plein, il y en a pléthore, donc évidemment. Tu veux un artiste comme ça Ouais, bien sûr. Un pléthore. Ouais. années 80. T'en chantes de l'année 80 quand même. Bah ouais, Aznavour. Oui, bah pourquoi pas, voilà, bien parfait. Sûr. Ouais, 1917 quand même. Non, bah il a fait des morceaux dans les années 80. Ouais. Ouais. Bon, on n'en passe jamais, hein, c'est clair. Mais, non, c'est ça, bah, c'est faut être honnête, quand tu parles des années 80, c'est pas ça. C'est vrai qu'entre U2, ZZ Top et Depeche Mode, Aznavour, juste avant qu'il tremble. Il y a peut-être du Maria Carré dans les années 80, non? Je pense. Ah, fin des années 80, je pense qu'il y avait du Maria Carré, du Whitney Houston, évidemment. Aussi. Ah, il y avait Whitney Houston. Whitney Houston, enfin, oui, mais c'est années 80. Oui. Oui, oui, c'est années 80, donc effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, Onissa? Fin, quoi, tu vas te calmer, oui. Alors, pourquoi tu disais fin. Maureen, donc tu seras donc le 21 juillet, ça commence à quelle heure Ça, c'est une bonne question aussi. Ah, d'accord. Donc, je pense que ça doit être en début d'après-midi, certainement aux alentours de 15h. J'ai mes balances, non, même pas. J'ai mes balances à 16h, moi, sur Ah oui, non, non. Oui, donc c'est un petit peu plus tard, alors. 18h, tu chantes à 18h. À 18h, tu chantes à 18h. À partir de 18h30, logiquement, c'est 18h30. Ouais, normalement, c'est ça. D'accord, c'est bien, c'est sympa. T'as jamais été au 21 juillet? Si. Bah, tu t'en souviens pas. De l'heure? Bah non, forcément, non, non, non. Donc oui, bah écoute, donc à partir de 18h, allez voir Maureen. Absolument, donc c'est le parc de Moucron. Allez-y, bah de toute façon, si vous êtes là, voilà, il faut boire un verre avant, et puis allez découvrir Maureen, c'est oui, voilà, plein de vraiment choses, quelqu'un c'est sympa, très talentueux. Bonne, hein, ouais. Ouais. Mais en plus, on dit toujours, bon, on va arrêter un peu l'humour, c'est pas consensuel, c'est que Maureen chante vraiment très très bien, ça va être vraiment sympa, donc si vous aimez voilà, un medley, il n'y a pas que les années 80, mais voilà, elle a un set de chansons qu'elle m'a fait partager, que vous ne saurez pas, qui est vraiment très très sympa. Mmh. Franchement, elle a vraiment travaillé ça, c'est super sympa. Et gâteau sur la cerise, c'est que tu vas nous faire un live. Oui. Oui. Ah. Gâteau sur la cerise. Et Cadon, il est chaud ce soir. On dirait qu'il vient d'un bar à vin. A one bar, yes. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, on va continuer à de parler donc de l'actualité de Maureen. On va faire une petite coupure musicale, Sherlock. Oui. Alors avec In Excess et Devil Inside. Ouais. Et ensuite avec un truc un peu plus péchu qui est une reprise. Mm-hmm. C'est Guns N' Roses avec Reckless Life. C'est une reprise de Rose Tattoo. Ah ouais. Dont Flip 4 nous avait parlé il y a quelques semaines. D'accord. Ouais. Bah là, on va se passer la version complète qu'on avait juste. J'allais dire entre aperçu, mais non, c'est. Survolé. C'est ça. Entre écouté. Très bon choix. Entre entendu. Entre entendu. Entre voilà. Oui. Entre entendu. Entre acoustiqué. C'est ça. Super. Ok. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je vais te prendre en pleine. Makes me wonder.

ça décoiffe. Ah, ça c'était mort. c'était bien. Ouais. Ouais. Ça j'aime. Ah, je vous le confirme, Gut 4, franchement c'était un bon titre. C'est vrai? Ouais. Ou tu te fous de ma gueule? Non. Non, c'est vrai. Ah, non, J'adore Guns N' Roses. Donc je rappelle que, évidemment, nous sommes avec Monsieur Flipcat. Et oui, bonsoir à tous. Nous sommes avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avec Onisa. Allô. Ouais, d'accord, on n'en fait pas trop non plus. Hein. J'étais pas là la semaine passée. Ouais, bah raison de plus. Je dois me rattraper. Nous sommes aussi également avec Canon. Ah. Ah bah lui aussi. Alors Onisa et Canon, je sais pas, j'ai l'impression qu'avant de venir ici, ils étaient ensemble. Ouais. Ils ont dû faire un truc ensemble, je sais pas, mais voilà, où il y a eu un coup de chaleur. Et s'il y a des petits, vous nous en gardez un. Ouais, bah voilà. Ouais. Alors on rappelle que nous sommes avec Maureen. Bonsoir. Alors Maureen, artiste chanteuse, qui va se produire donc le 21 juillet aux alentours de 18h, hein, donc au parc communal de Moucron, dans le cadre évidemment de la fête nationale. Et pour vous donner un petit avant-goût de ce que vous pourrez voir donc le 21 juillet, eh bien elle va nous faire une chanson en direct live du studio RQC. Oui. Ouais, ça va être quoi? Comme toi. Oh yeah. Comme moi? Bah, moi, oui. Je chante pas, moi. T'es tellement sexy que j'aimerais être comme toi. Ah, Elle est en train de faire un selfie là. Ah ouais, bah, dommage. Attends, bouge, on est en direct. Salut, c'est moi, c'est Canon. Alors, quand tu es prête, Maureen? Je suis prête. Tu es prête? Oui. Allez, c'est parti. Allez. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dors en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. Mais d'autres gens n'avaient décidé autrement. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi. comme toi. Comme toi. Merci. Alors là, je reste pantois. Ah ouais. Comme toi. Non mais alors, il va falloir que tu nous expliques parce que les arrangements là, c'est de qui c'est pas du tout la version originale. Ah non, c'est Génération Goldman. D'accord. Ah oui. Ah ok. Mais alors, parce que cette interprétation-là, moi, je l'avais jamais entendue. Elle est magnifique. Elle est suave, elle est savoureuse, comme nous dirait Canon. Et c'est vrai. Et puis l'émotion crescendo, comme ça, c'est le top. Oui, franchement. Ah ouais, j'adore. Et pourquoi porter ton choix justement sur cette chanson, Comme toi, de Goldman? Ben, c'est vrai que c'est une version que j'aime bien. Ouais. Ouais. Je préfère cette version que la version originale. D'accord, ah ouais, mais complètement. C'est magnifique. Ouais. Parce que ça c'est une version à l'origine qui était reprise dans un autre album, c'est ça? Oui, ou, avec la génération. Ouais, ouais, c'est Amel Bent qui la chante celle-là. Ah bah je suis pas étonné justement. Ah oui, je pensais un peu à Amel Bent en écoutant qui la chante. Et moi, et connaissant un peu Maureen, je peux vous dire que là elle a très bien chanté, mais elle chantera debout et elle sera beaucoup plus habitée. Parce que Maureen, quand elle chante, elle est encore plus habitée par la chanson qu'elle l'est là. C'est très bien. Oui, c'est mais propre. Oui. Mais moi, je me permets de dire, elle est beaucoup plus habitée. Elle a les prises de notes et tout ça qui sont la pure. Mais vous allez voir qu'il y aura beaucoup. Encore, ça va. Voilà, si toutes les chansons sont interprétées comme ça, j'en doute pas. Vous allez voir que voilà, Maureen est habitée. Elle a vraiment grandi vocalement. Oui, si je peux me permettre, enfin, si je suis pas au niveau, mais elle a grandi vocalement. Il y a une personne qui m'écoute souvent et qui, voilà, je suis un peu sa petite star, c'est ma maman. Oui, et d'ailleurs, c'était son anniversaire. Oui, aujourd'hui. Et bah oui, bon anniversaire. T'as vu, je sais tout. Longtemps aujourd'hui. Et bah, joyeux anniversaire à ta maman, évidemment. Et ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas entendu chanter sur scène. Ouais. Et quand elle m'a entendu chanter à Saint-Jo, donc ça faisait un moment, elle dit, ta voix a changé. Ah oui, bien sûr. Et ouais, elle dit, tu chantes de mieux en mieux. Donc, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on a un petit message, je me permets, puisque tu es en train de... Bah, vous pouvez regarder sur Maureen en direct. Il y a Steph H, le DJ, donc, voilà, qui nous embrasse et qui dit que la chaleur monte dans les studios d'RQC. Et Dieu, sait, oui. Et Dieu sait que ce monsieur s'y connaît très, très bien en musique, puisque il fait son mix direct tous les premiers mardis du mois. Absolument. Dans la radio, et il en connaît un bout sur les chanteurs et les chanteuses des années 80. Et on le salue au passage, bien. D'ailleurs. Et on t'embrasse. Voilà, ça, et on ça fait un bout de temps. Hein. Steph H, on l'embrasse, évidemment. Chers amis auditeurs, auditrices, si vous voulez balancer un petit message, un petit com justement sur notre page Facebook de l'émission 80 à l'heure, nous donner votre avis sur Maureen, surtout n'hésitez pas, hein, donc émission 80 à l'heure sur RQC, donc vous nous balancez un petit message et on sera un petit plaisir de le retransmettre donc à notre amie Maureen. Ah, alors chouette, Maureen, on le rappelle, qui se produit donc le 21 juillet, donc aux alentours de 18h au parc communal de Moucron, donc dans le cadre de la fête nationale. Bien évidemment. Est-ce qu'on va se faire une petite coupure musicale, Sherlock? Oui, bien sûr. Bah, ouais. Pas de problème. Bah, je sais que t'aimes la roulette song. Tu vas demander à Maureen la roulette song. Je le lis dans tes yeux. Un petit mot quand même. Moi, j'aimerais souhaiter, c'est un bon anniversaire aussi à Tivoti. Oui. Monsieur Thierry Roger, donc Tivoti, etc. Que j'ai raté d'une journée parce que j'étais moi-même en presta. Et voilà, ce jeune monsieur talentueux. Absolument. Voilà. Bon anniversaire de la part de 80 à l'heure. Et puis voilà, je l'ai à l'instant. Et puis voilà, il m'a répondu. Donc si tu nous écoutes, on te souhaite un très très bon anniversaire. Absolument. Et il vient quand il veut. Ah oui, bien sûr. Alors, Maureen, je vais faire tourner les titres telle une roulette. Tu me dis stop dès que tu en as envie. C'est parti. Stop. J'ai envie. Oh. Alors c'est un titre que je n'ai jamais passé encore. Ah, oh. Zai, ça y est. Ah, ça y est, il y avait longtemps. Non, pas du tout. C'est Blondie avec Oiseau de nuit. Ah bon, oui. Elle a chanté en français. Oui. Eh bah ouais, oui. Apparemment. Bah quoi que, souvent elle fait des petites incursions françaises dans ses chansons, Blondie. Oui. Ouais. Donc ouais. Je vais la découvrir en même déjà. Temps. Ah ouais. Oiseau de nuit. Oiseau de nuit. Vous la connaissez. Oui, c'est beau, c'est bien possible. Ah ouais, d'accord. Ok. Allez, deuxième. Allez, on continue. Stop. Christopher Cross avec Sailing. Ah ouais, ah ouais. Et ben voilà, allez, c'est parti. On part pour ces deux titres, donc Christopher Cross avec Sailing et Blondie avec Oiseau de nuit. Alors là, je vais la découvrir. Bah oui. Allez, c'est parti. Thank you.

c'est Sabine Paturet et vous êtes sur RQC et c'est 80 à l'heure. Moi, je veux que tu t'occupes de moi 24 heures sur 23. Je te veux tout rien qu'à moi, rien pour toi, tout pour moi. J'adore, j'adore Sabine Paturel. Ah oui, je me dis bien. Petit bouchon, évidemment. Alors, Sabine Paturel qui tourne encore, évidemment, avec un dernier titre qui s'intitule Je me fous de tout. Je me fous de tout, ouais. Je me fous de tout. On l'a peut-être d'ailleurs. Oui, je peux te le retrouver. Oui, bah, tu le passeras tout à l'heure, peut-être. On fera une petite dédicace à Sabine Paturel. Dédicace aussi également, tiens, à Sophie qui nous écoute. Donc voilà, donc on lui fait un bonjour, gros bisou. Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour voilà, Sophie, qui nous écoute. Je vous rappelle que nous sommes donc avec Maureen. Yeah! Oui, je suis là. Elle est là, Maureen. Et oui, vous allez la retrouver donc le 21 juillet à la fête nationale de Moucron au parc communal avec tout un nombre de groupes. Il y en a plusieurs, hein. Je crois qu'il y en a 4-5, c'est ça hein 3-4. Mais il y a différentes scènes aussi. Hein. Et il y a différentes scènes. Alors, il y a la scène principale et Maureen sera sur la scène principale. Voilà. Ouais, ça, c'est important. Et il y a aussi la rotonde hein, où il y a des petits concerts. Là. C'est pas la rotonde, c'est le kiosque. Oui, c'est moi qui me suis trompé. En fait, toi, tu es sur la scène principale. Hein. Ouais. Voilà, mais voilà, le kiosque, j'ai entendu des échos et il y a des beaux groupes. Aussi. Oui, j'allais dire par respect pour les groupes, c'est que, bon, voilà, et pas par manque de respect pour toi, il y a la scène principale, mais c'est pas pour autant que les autres groupes sont pas qualitatifs. C'est-à-dire, c'est une façon, c'est un mode de fonctionnement. Il faut qu'ils branchent les enceintes différemment. Il y aura différentes prises. Ils peuvent pas à chaque fois installer une chanteuse, démonter le matos, mettre les claviers, tout le monde. Donc, ils font tourner un petit peu, mais il y a des groupes assez talentueux. Ils ont peut-être fait aussi par rapport aux ambiances. C'est possible. Ouais, c'est souvent comme ça. Hein. Tu peux balader toute la journée. Un peu comme en discothèque, deux salles, deux ambiances, tu vois. Ouais. C'est ça. C'est ça. Tu vas souvent au fur et à mesure que tu te balades. Tu vas souvent Macumba, toi. Au 30-40. Je vois bien au 30-40. Ouais. Au Minoy aussi, avec les matelas haut ou sans. Oui. Voilà. T'as l'air bien au courant. Mais bien sûr. Bah bien sûr. Mais de toute façon, et d'ailleurs, un jour, il faudrait que. On y aille. Non, je fais un petit coucou à mon ami Agi. Agi, qui était venu ici il y a quelques années d'ailleurs, puisque c'est un disque jockey émérite. Hein, il a été disque jockey à l'époque au NIT, à la Mandarine, au Club 13, j'en passais des meilleurs. Aussi, ouais. Actuellement, il est aux Arcades et au Minoy aussi également. Ah, oui. Et donc, il fait régulièrement donc, de la promo. Il mixe à max, évidemment. Il mixe à la main. Et sincèrement, je suis. Alors, il m'envoie régulièrement donc les événements. Et il y avait, et j'ose même pas en parler, mais il y avait. J'espère qu'il nous écoute. Il y avait, je crois, il va y avoir d'ailleurs. Il va y avoir soirée pute. Alors je sais pas ce que c'est. Ouais, si. Ouais, soirée pute. Alors les thèmes, c'est un peu bizarre. Les putes en flamand, je sais que c'est des grenouilles. Ouais, mais là, c'était pas ça, à mon avis. Non. Je crois pas. Alors je pense que pour démarrer sa soirée, il doit commencer avec ça, je pense. Ouais. Ah oui. Attention, c'est version French Kiss, hein, pas la gaffe. Sûr. Bah non, pas la gaffe, non. Et maintenant, libérons la puissance. Ah ouais, ça c'est bon, ça. Tu m'étonnes. Mais pas maintenant. Mais d'ailleurs, tu la passeras tout à l'heure, tiens. Oui, bah, ah bah okay, on sera plaisir, tu la passeras tout à l'heure. On sera plaisir, oui. Tu feras ton mix tout seul. Bon, eh bien, écoute, Sherlock, oui. Il est 21h. Maureen, yes. Est-ce que tu as déjà entendu un chroniqueur avec une voix à la Barry White? Non, et bah tu n'entendras toujours pas. Nous sommes avec Sherlock qui va nous faire donc sa chronique estivale. Oui, c'est ça. Ah, Casimir, attends, oui, je voulais. Enfin, c'est Casimir qui a ramassé. Hein. Rappelle-nous un peu le principe de ta chronique. Alors, donc, le principe, là, chaque semaine, je fais une chronique différente. Je faisais Ciné Rétro 80 où je revenais sur un film des années 80. Là, c'est les vacances, j'ai décidé de faire autre chose. Et là, je reviens sur des covers, donc des reprises. Les semaines précédentes c'était les reprises années 80 d'anciennes chansons et là cette semaine c'est les reprises de chansons qui sont plus récentes qui sont ultérieures aux années 80 mais qui sont reprises sur les années 80. Voilà. Et là, alors Maureen, est-ce que tu peux répéter? Harry, depuis que j'ai dit covers, il nous a lâché. Non, en gros, t'as fait les années 80, là, c'est quelle année? Là c'est après en fait. D'accord, voilà, après. C'est des groupes d'aujourd'hui qui ont repris des titres des années 80. C'est ça. Bah, bravo, super. C'est beau l'intérieur. Tu as réussi à le placer. C'est un gage. Le petit jingle qui va bien. Ah oui. Ah oui, élégance. Bah oui, élégance. Vacances, j'oublie tout. Oui. Et il y a Maureen qui est là qui fait. Je connais pas. C'est vrai. Oh là là. Si j'ai dû l'entendre. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. D'ailleurs, tu devrais nous faire une chronique sur élégance, Flip 4. Oui, bien sûr. Ça durerait 10 secondes. Alors, ils ont fait vacances, j'oublie tout. Et après, bah, j'ai oublié. Allez, à toi, voilà. à toi de jouer. Alors, donc, je vais vous parler, donc, je pense là que Maureen connaît, c'est Felix Jane featuring Jasmine Johnson. Eh ben non. Oh, je suis sûr qu'en écoutant... Mais bien sûr, ça date de 2013, ça s'appelle Ain't Nobody. Et c'était Rufus et Chaka Khan à la base. Ah, ça donnait ça. Ah oui, oui, je connais. Mais pas en danger, notre invité lui demandait toujours, tu connais ? Bah non. Ah ouais, les deux sont bien. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, t'as kiné Maureen tout à l'heure, mais il faut rappeler. On peut te dire ton âge ? Rappelle ton âge ? Oui, à votre avis, j'ai quel âge ? Parce que ça, c'est le gros problème. 40, 42 ? Je confonds avec la pointure. Si elle avait des mitraillettes à la place des yeux, t'étais fusillé sur place. T'étais mort, là. Bah, une vingtaine d'années. Bah ouais, mais on me donne toujours 16-17 ans. Non. Si, et on me dit que ma fille, c'est ma sœur. Non, plus maintenant, là t'as ramassé. Non, sérieux, tu fais plus 16 ans. Merci. Non, elle fait du jeune. Tu fais femme très très mûre de 22-23. J'ai 25 ans. Ouais, 25 ans. Ouais, voilà. Tu fais pas. Non, ce que je voulais dire, parce que bah voilà, au niveau de la génération, c'est vrai qu'elle peut pas. La boîte chanteuse, c'est pas de sa génération non plus. Ah bah, mais si, les derniers titres, c'est de sa génération. Elle est née en 92. Non, mais le titre de 2013. Ah oui, 2013, ouais, tout à fait. Voilà. Allez, alors, suivant. Qui se souvient d'Atomic Kitten avec Eternal Flame ? Bien sûr. Ah oui. Et forcément, c'était en 2001 et ça date quand même de 89 avec les Bangles. Je préfère la version originale. Oui, moi aussi. Ouais. L'autre, elle fait un peu rap, R&B, je suis moins fan. Ouais. C'est Michael qui est avec nous dans les studios qui me disait Atomic Kitten, ça veut quand même dire foufoune atomique. Oh, ça veut dire petite chatte atomique. Ouf, oui, enfin, ouais, bon. Il y a l'esprit mal tourné. Michael Keaton, c'est la chatte de Michael. Non, c'est Kitten. Pas Keaton. Ah, c'est Kitten. Ah oui, pardon. Mais non, mais ça veut dire petite chatte. Bon. Bah, oh, tout... Il a fait son canon, c'est bon. Voilà, ok. Bravo. Il y a No Doubt, il y a quelques années, c'était en 2003, ah bah qui reprenait It's My Life. Bah oui, It's My Life, qui a été chanté à la basse par Talk. Ouais, bah rien d'original. Hein. Non, mais j'aime bien les deux versions, je les trouve sympas. Ouais, ouais. Et ça me fait toujours rire, hein, ces noms de groupes quand même, Talk, Duran. Non, mais c'est vrai, c'est des bègues en fait, c'est des groupes bègues. C'est vrai. Bah, Boyo, c'est un titre bègue. Hein. Abba, c'était dyslexique. C'était Abba. Bon, ouais, il y a Jeff Buckley, on connaît tous la version d'Alléluia de Jeff Buckley. Ouais, sans alcool, attention. Oui. J'ai pas dit Jeff Buckley. Mais à la base, c'était de Leonard Cohen en 84. Ouais, c'est comme le monde. Hein. Alors, ça change complètement, écoutez. I heard the words, a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Excuse-moi, je vais défendre la deuxième version. C'est que le problème, c'est que les enregistrements sont à chier. La prise de son, mais par contre, sa voix, elle était. C'est formidable. Oui, je suis moins fan de Leonard Cohen, oui, mais bon. Si t'accélères un tout petit peu plus et que t'avais vraiment des instruments actuels, le mec, il avait une voix formidable. Oui, non, mais bien sûr. Buckley, bon, oui, il chante bien. Et il chantait bien. Oui, il chantait. Il nous a quitté, malheureusement. Oui, mais Leonard Cohen aussi, je pense. Ouais, mais il chantait moins bien. Et d'ailleurs, je continue à saluer Johnny Hallyday au passage. Alors, en 2001 déjà. Ah ouais, en 2001. Le mec, il découvre ça. Non, parce que je le pense. J'ai noté ça. Non, non, je le pensais plus récent, le titre. Ah ouais. It's Raining Men de Jerry Halliwell. Ouais. Oui. Ah ben, c'est une reprise, forcément, des Weather Girls, oui, de 82. Ah absolument. Oui, bien sûr. Et ça donnait ça. Je préfère la première version. Ah non, moi, la... Ah, moi je préfère celle version originale. Ah oui, ah, ouais, ouais, tu sais, le clip. Alors le clip. Ah oui, d'accord. Ah, oui, j'ai déjà vu le clip avec des incrustes super mal faites. Comment veux-tu faire pleuvoir des hommes? Et alors, et les femmes qui chantent. Oh, Dame Nature, mon Dieu. Ah, vous l'avez vu, Dame Nature, qui fait, je sais pas, 150 kilos facile. Mais tu sais, énormes. L'anecdote là où je sens que je vieillis, c'est que je me rappelle avec la troupe Évasion, au Colisée de Roubaix, il y a une choré qui avait été faite sur cette musique. Ah, mais à l'époque, c'était la musique qui venait de sortir il y a 6 mois. Putain. Ah, oui. Et mais t'as même dansé sur Ne me quitte pas, hein, rappelle-toi. Ne me quitte pas. Voilà. Et ça venait de sortir. Et ça venait de sortir aussi. Alors, il y a Ace of Base en 98 qui a chanté Cruel Summer, Ace of... qui est une reprise des Bananarama de 83. Ace of Base et Bananarama. Eh ouais. Alors, il y a eu aussi une version, donc Ace of Base avec le groupe, le boys band Alliage. Ouais. Et celle-là, je ne l'ai pas mise, je me suis dit... tant mieux, tant mieux. On va éviter. Il y avait une petite anecdote qui avait été dite par Nagui, quand j'ai vu dans Taratata, justement. Ouais. Et à l'époque, il voulait faire venir Ace of Base à Taratata. Et le groupe leur a dit, non, on a un problème, c'est qu'on n'a pas d'instrument. Il n'y a pas, il y a aucun instrument. Dans Ace of Base, il n'y a aucun instrument. C'est que de l'électro, mais il n'y a pas de musicien en réalité. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, mais ça s'entend de toute façon. Oui, hein. Oui. Et donc, ils ne sont jamais venus à Taratata, on ne les verra jamais. Mais Ace of Base, qui sont suédois également, comme les ABBA. Comme les ABBA. Okay. Ils sont deux hommes, deux femmes également, comme les ABBA. Alors, traduction de Ace of Base. Deux sœurs comme les ABBA, une brune blonde comme les ABBA. Franchement, il y a beaucoup de similitudes. Je sais pas. Ah, Ace of Base. Clip 4, vous pourriez nous donner la traduction de Ace of Base? La base de l'As. De l'As. Ace de of Base. La les base, base de l'As. Les a... Ouais, l'As premier. Enfin, après, c'est. Ah, ouais, c'est ça. Ah, ok. Bah, c'est. Enfin, okay. Voilà, l'outrecudeurs et néophytes fait qu'un peu la quatessence absorbée. Enfin, bon, on s'en bat les couilles, quoi. Non, mais je voulais savoir. C'est Ace of Base. D'accord. Voilà. L'As de la base. Alors. Ensuite, il y a. Voilà, j'ai fait un tout petit écart parce que c'est une reprise. Pourquoi tu t'attends des grands écarts, toi? Bah non, justement, c'est pour ça que je. Si, fais-le avec tes bras, fais-le avec tes bras. Regarde, monte. Voilà, hop, grand écart. Donc, là, c'est Gym Class Heroes qui chantait Cupid's Chokehold en 2005. Et c'est une reprise de Supertramp. C'était Breakfast in America. Ah, et ils ont ça datait de 79. Mmh. Ouais, parce que les paroles sont pas tout à fait les mêmes non plus. D'accord. Mais ils reprennent en gros tout ce qui est musical et enfin on reconnaît très très bien. Écoutez. Breakfast. Ouais. Bon, par contre, on a l'impression que Supertramp est complètement au ralenti. Ouais. C'est bizarre. Hein. Mais imité, mais pas égalé. Hein, entre oui, non, mais. Il y avait Jazz Brown qui l'a reprise, non? Non plus. Breakfast in America. Ah, c'est pas ça. Je pense pas. Bon, on repart avec Ace of Base qui ont fait une deuxième reprise. Mais ils ont fait que ça, de toute façon. Non, ils ont fait aussi des titres à eux, mais ils ont fait aussi des reprises. Et là, c'était Don't Turn Around en 94, qui est une reprise de Tina Turner de 86. Écoutez. Eh oui, on pourrait jamais dire quelque chose sur Tina Turner, mais là, franchement, je préfère la version Ace of Base. Ils ont mis plus de groove dessus, quoi. Ouais, bah non, voilà. Mais Tina Turner reste Tina Turner. Maureen, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tina Turner. Ah, voilà. Tu chantes du Tina Turner? Oui. Lequel? Je sais plus. Le Zai Zai. J'avais écouté. Mais non, mais je chante du Tina Turner. J'écoute du Tina Turner, je sais pas les titres. Ah. From Mary Non, c'est peut-être trop ancien. Bah non, elle l'a repris après, hein, dans les 80. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Non, mais j'en travaille une et je sais plus le titre, en fait. Je travaille cette chanson, mais je sais plus le titre. Mais elle est tellement dure aussi que... Bon, okay. Ma chérie, quand tu viens faire la promo, il faut que tu connaisses ce type, parce que les gens ne vont pas venir. Non, mais je la travaille, elle est dans un coin. Non, je te taquine, et là, je travaille déjà pour le 21. C'est une chanteuse travail, hein, contrairement, j'entends souvent les chanteurs. Alors, tu chantes bien. 98. Bah, ouais, en 98, il y a Phil Collins qui a repris True Colors. Et True Colors, c'était Cindy. Cindy Lauper. Ah, Cindy. Ah, ouais. Je salue Cindy au passage. Allez, c'est parti. Et oui, ouais. Et oui. True Colors. Ah, alors là, petit clin d'œil. Ah. Petit clin d'œil à Laurie. Laurie, ouais. Bien sûr, qui nous écoute aussi régulièrement. Oui, mais oui, bien sûr. Et j'espère qu'elle nous écoute. Oui. Parce que là, c'est une petite dédicace spéciale Madaus, pour elle. Mais oui, sortir Madaus. Madaus, ouais. Qui en 2002 reprenait Like a Prayer, chanson de Madonna de 89. Alors tu peux quand même rappeler l'anecdote par rapport à Laurie, s'il y a quelqu'un qui nous écoute. Alors, Laurie, enfin c'est toi qui me l'avais dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme quoi Laurie était venue te voir en entendant la version de Madonna, donc de Like a Prayer. Et elle était venue te voir en disant, tiens, il y a Madonna qui a repris Madaus. Ah tiens, Like a Prayer de Madaus a été repris par Madonna. Ah, la bonne blague. Par contre... Ça fait des émules, ça, parce que le ça a été repris pendant un an et demi sur toutes les musiques. Si tu recherches ça, tu verras. Ça ah oui, oui, le de marimba. En fait, il y avait la caisse tonique. Et après, c'est un peu la génération. Rappelle-toi, Canon, c'est un peu la génération JD. Oui, c'est vrai. C'était à l'époque où Robinette et tout ça. C'était toujours à peu près les mêmes styles sonores. Avec. C'est ce qu'on appelait du son garage. Ah oui, possible. Parce que les DJ faisaient les trucs dans leur garage. C'est les Muppets. C'est pas où j'ai dit où Shida. Non, mais il y a plus d'humour ici. Non, mais c'est devenu une émission sérieuse. Quand t'as les deux vieux là, qui sont partis dans leur délire. Ouais, mais après moi je suis bon public. Hein, et les universalistes, on s'en fout. C'est la fête quoi. Mais vous avez tout à fait raison. Vous disiez quoi? Ben suivant. Alors, en 90, donc c'était vraiment juste après les années 89. 80, Whitney Houston chantait All the Man That I Need, qui est une chanson de Linda Clifford de 82. Et vous connaissez tous la version de Whitney Houston et sûrement pas la version de 82. C'est pas la même saveur. Hein. Non. Bah, je préfère le médium bas. Et c'est quoi le médium bas? Bah, la seconde. Ah ouais, d'accord. Parce que Houston, c'est dommage parce qu'elle a tellement une voix de gospel. Elle a, en fait, quand tu la vois, elle la prend très très haute. Ouais. C'est, en fait, l'autre, elle a beaucoup plus de grains. Elle a plus de. Coffre. De. Non. Si, ça fait plus. Ouais, d'accord, ok, du d'accord, coffre. Okay. Mais en fait, c'est pas ça. C'est, non, ça s'appelle une tessiture, mais c'est pas grave. C'est pas grave pour les gens là, c'est du coffre. Ouais, ta gueule. Il y a Annie Lennox en 95. Ouais. Donc il y a Annie Lennox en 95 qui a repris No More I Love Yous, ouais. Qui était une chanson des Lovers Peaks de 86, écoutez. Ah ouais. J'en connais aucune. C'est vrai? Si, quand même, hein, si. Bah. Annie Lennox, au passage, qui avait aussi repris Whiter Shade of Pale, c'est Lennox, Coca-Cola Room. Exact. Mais c'est pas les 80, ça. C'était Lennox, ouais. Annie Lennox, ouais. Ouais, ouais, mais dans quoi? Dans Eurythmics? Ah non, elle était seule. Ah oui, j'ai jamais entendu ça. Elle chantait seule. Alors, il y a Céline Dion qui a également repris une chanson qui s'appelait It's All Coming Back to Me Now. Ah oui. en 96 et c'était une chanson de Pandora's Box de 89. C'est pour toi. Ouais, voilà. Bon, c'est la même chose. C'était pour toi, René. Bah, ça se ressemble pas mal. La chanson de Pandora's Box, je trouve que ça fait un peu du Bonnie Tyler au niveau du timbre de voix de la chanteuse. Ouais. Ou du Meatloaf. Ouais. Non, mais si, c'est vrai quand même, un petit peu. Ouais. Bah, un petit peu. Au niveau de l'orchestration, alors. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ouais. Au niveau de l'orchestration, d'accord. Je suis en train de me rendre compte que vous savez que la moitié du temps, on passe et dès qu'on coupe le micro, on peut se dire des trucs hors antenne. Ouais. Et en fait, la mise, elle est en direct depuis tout à l'heure. Bah oui, alors. Bah, on en profite aussi. Bah, on en a dit des conneries. Hein. Et bah, c'est pas grave. Sur toi. Alors, il y a Ronan Keating, en 99, qui a chanté When You Say Nothing at All, qui est une reprise de Keith Whitley de 88. J'aime bien quand tu dis kiff. Ouais. Est-ce que tu kiffes? On dirait que tu as pris dans la bouche. Allez, c'est parti. J'aime ouais. Ça, ouais. Ah ouais, ça c'est. Mais c'est country. Mais il a repris beaucoup de titres country. Hein. Il a repris aussi du Garth Brooks. Eh ben justement. Garth Brooks. J'adore cette feu. Garth Brooks. If Tomorrow Never Comes. C'est ça. Ouais. If Tomorrow Never Comes. Et ça donnait ça. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas mal. Ah, t'as... Ok. En fait, t'as fait un mix blanc. Ah non, bah, je sais pas pourquoi. Pas mal, je trouve. Ouais. Le fading est pas mal. Non, hein. Ça donnait ça. If tomorrow never comes, would you know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? Alors je sais pas pourquoi il était parti à la fin de la piste, c'est pas grave. Ouais, parce que t'es en intérim. Ouais. Peut-être. Alors, ensuite. Il est jaune. Donc, en 91, il y a Rod Stewart qui chantait Rhythm of My Heart. Ah oui, qui est une reprise de René Schumann de 86. Écoutez bien. Ah ouais, la version xylophone, j'aime moins bien. Ça fait bizarre. Hein. Il y a un peu de ça. Ouais. Ça fait bizarre. Il y a un peu de ça, ouais. Alors, ensuite, il y a Jasmine Thompson en 2017, donc c'est cette année, qui chante Mad World. Mad World qui est. Alors, certains connaissent la reprise de Gary Jules de 2003. Et en fait, c'est une chanson des Tears for Fears de 83. Ah ouais. Écoutez bien. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Alors, c'est pas leur plus connu. Ah ouais, mais voilà. Ni l'une ni l'autre, moi. Donc, à la limite, je préfère la deuxième. Je préfère celle de Jasmine Thompson, moi. Ouais. C'est la seconde je préfère. Ouais. Ah ouais, je préfère, t'as envie de faire des enfants sur celle-là. Ah, si, franchement, elle est mieux. Ouais, mais pas avec toi. Et enfin, je vais finir donc avec les Fall Out Boys et le titre Beat It. Qui est sorti en 2008. Eh oui. Follow Boys, Beat It. Les Fall Out Boys. J'adore. Ouais. Et ils ont donc repris la chanson de Michael Jackson de 82. Ah ouais. Écoutez, ça donnait ça. Yeah. Mais nous ne le dirons pas à la radio. Voilà. C'était très bien. Voilà. J'ai adoré. Je connaissais pas du tout la version, mais là, c'est une découverte. C'est Bilit. Tu me diras. Les Fall Out Boy. Oui, mais tu m'enverras ça en mail privé. Merde, t'as mon adresse. Voilà. C'est gentil. Tu lui enverras par courrier. Ouais. Oui, ça marche. Tu lui feras une copie sur CD. Tu lui envoies par courrier. Ouais. D'accord. Eh bien, on va se faire une petite coupure musicale. Écoute, c'était très bien, Sherlock. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'ai... Franchement. Oui, quand même. Hein. Merci. Non, mais c'est parce que j'ai. Bonjour à César. Merci pour tout. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Non, c'était chouette. Et puis la semaine prochaine, il y en aura d'autres aussi. Ah oui. Ce sera plus des covers. Ah. Ce sera autre chose. Je sais pas. J'ai pas encore décidé. Bon. On te fait confiance. Je vais vous faire deviner des chansons. Yeah. Ouais. Je vais vous lire les paroles et vous allez me deviner les chansons. Ça marche. Et bien, d'ailleurs, Corinne nous parlera tout à l'heure de N'oubliez pas les paroles. Oui. Et... Absolument. Mais on va d'abord faire une coupure urinaire. Oui, c'est ça. Bien sûr, évidemment. Non, parce spécialement. Est-ce qu'on peut dire, tu attends à... Pipi. Un grand pipi. J'attends un bébé. Voilà, ah, elle attend un heureux événement. Oui. Voilà, et donc c'est normal, voilà. La maman doit faire pipi. Voilà. Sherlock, il va souvent aussi. Hein. Je dois aller uriner. Et voilà, et ben vas-y, tu vas. Oh, c'est joliment dit. Bah oui. Quand c'est la bouche d'une femme, c'est nous, on doit aller pisser. Là. Je dois aller uriner. Ouais. C'est beau. C'est plus classe. Ça fait la même chose, mais. Oui, peut-être le résultat est pareil. Mais dépêchez-vous parce qu'elle est en train de faire là. Oui, mais c'est pas ça. Allez, qu'est-ce que tu nous passes hein? Eh ben, on en avait parlé tout à l'heure. Je vais vous passer Je me fous de tout de Sabine Paturel. Oui. Ouais. Ensuite, on reviendra avec Lil Louis et French Kiss. La version longue. Ah oui, bien sûr. La version longue. 5 minutes et quelques de French Kiss, c'est un minimum. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je me fous de tout et je fous tout en l'air. Je donne des coups, la pantoufle de verre. Je la fous au clou, la terre tourne à l'envers. Je mets les bouts, les bouts, les bouts. Je me fous de tout et je fous tout en l'air. Je rends les coups, Blanche-Neige empoisonnée. Tout le monde s'en fout, le prince était maqué avec le loup. Une fois, ça fait dormir à l'âge pour qu'on y croit. C'est beau, ça fait rêver, heureux parfois. Mais la vie, c'est pas ça. Je mets les bouts, les bouts, les bouts. Je me fous de tout et je fous tout en l'air. Je rends les coups. Alice, elle s'est perdue. Tout le monde s'en fout. Le lapin s'est pendu au fond du trou. Il était une fois, ça fait rêver un peu. Mais pas tant que ça. Quand le conte est trop vieux, tout le monde s'en va. C'est la vie qui est comme ça. Je fous tout en l'air, je donne. je m'en fous. We'll be right back. Alors, moi, j'ai juste et donc, on va demander à Maureen de nous faire le même que dans le titre. Forcément. Bon, enfin, Charlotte. Moi, j'allais dire Canon, comment t'as fait pour l'enregistrer le titre. Il s'est bien appliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai demandé à de nombreux amis de venir. Ah, c'est ça. Ouais. Il dure quand même 5 minutes. Plus, Lille Louis, pas. Tiens, dis donc, on l'avait pas passé depuis longtemps, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Stéphane, je l'avais passé dans un défi mix. Oui, c'est bien possible. D'ailleurs, au passage, il nous dit bravo. Alors certainement pour Maureen, évidemment. Bah, c'est pas nous hein, qui dit bravo. Ouais, non, je pense pas. Non, je pense pas. Parce que d'habitude, on n'a jamais rien. Non, là, ça lui ressemble pas. Non, là, il est en direct, fête de la bière. Ouais, c'est ça. Il nous dit bravo. Mais surtout, il nous rappelle qu'effectivement, il sera là le 1er août. Ah oui. Ah oui, bien. Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Bah oui, parce oui que c'est bien, moi c'est je l'ai bien, pas vu oui. depuis, je t'ai pas vu fils là depuis un bon temps. Ah ouais, complètement. Par contre, à définir aussi aux auditeurs, c'est le 15 août, est-ce que nous ferons l'émission ou pas? Eh ben, il n'y a pas de raison pour qu'on ne la fasse pas. D'accord, bon, toi je t'es sais là. Je ne serai pas là, moi. Moi non plus. on va s'arranger, on va la faire. Donc, Harry la fera. On fera avec Onissa. Onissa, qu'est-ce que t'en penses? Elle n'est pas là. Mais je ne sais pas encore. Mais on fera une émission spéciale maillot de bain. Ça peut le faire, ça. Ouais, moi je vais bien la radio venir, quoi, hein, si tu veux. Ah oui. Maillot de bain, je sais bah si non, ça va pas être terrible. Tout de suite. Deux fois les yeux revolver, tu vas mourir, toi. Mon dieu. N'oublie un coup de ça. Non, alors j'explique encore, elle attend un heureux événement. Et ben, un coup de ça de femme en voilà, donc elle est gravement enceinte. Voilà. Gravement enceinte. Voilà, c'est pour ça. Non, elle est magnifique. Oui, évidemment qu'elle est magnifique. Moi ça me touche. Jusqu'au niveau du torse. Moi ça me touche de l'avoir, maman. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, on évolue quoi quand tu. Au moins quelque chose qui te touche. Non, je t'avais pas vu enceinte la première fois. Ah ouais. Non, ça me touche. Bah oui, bah. J'avais 18 kilos bah, plus quoi. Ah bah mais... moi je revendique, ça fait partie des évolutions de la vie, voir une jeune à 16-17 ans, l'avoir maman, je trouve ça super. Je vais peut-être dire une bêtise, mais ta toute première. Moi. Si je ne m'abuse, non pas. Ah tu parles à Maureen, pardon. Maureen, la toute première et modèle. Oui, elle est modèle. Oui. Donc oui, elle je est, l'ai vu dans un catalogue. Elle est mannequin, elle est dans deux agences, une à Lille, une à Bruxelles. Et elle fait des catalogues, comme là, elle va sortir sur Fil d'Art, elle est sur Verbaudet, elle a fait du Woody aussi, je ne sais pas si tu connais. Woody. C'est une marque de pyjama belge. Ah non. Non, non. C'est pour la laine. Non. Woody Allen. Ah, et oui, elle a un joli petit minois. Et donc voilà. Vraiment, très jolie fille. Ah ouais, vraiment. Elle a quel âge, Maureen? Elle a 2 ans. Ah, ouais, elle est très jolie. Ah ouais, c'est top modèle. Elle a une touffe énorme. On voit que ça, quoi. On voit que ça touffe. Ça touffe de cheveux. On a perdu Canon. On a perdu Canon. Oh non. Attention à ce que tu dis. Elle a un joli minois. J'ai failli et je me dis merde, il part de la petite. T'as la jute. Non, on plaisante. Non, elle est adorable, sa fille. Non, ça va. Elle est adorable, mais c'est vrai qu'elle est mignonne. Elle est très très belle. Comme la maman, hein. Non, on déconne, Maureen. Comme la maman et le papa aussi. Et le papa aussi. Le papa qui est très beau, il est beau gosse. Hein. C'est vrai. Il est beau gosse. Et il a une touffe. Mais celle-là, on la prend pas en photo. Bon, eh bien, on rappelle. Allez, on va reprendre. C'est 80 à l'heure, vous en êtes certain, vous n'êtes pas sur RTL. Voilà, on va reprendre ça, notre sérieux. On va être sérieux quand même parce que ce soir, nous sommes avec Maureen. Oui. Maureen, que vous aurez l'occasion donc de voir se produire donc le 21 juillet. Oui, oui absolument. À Moucron, vers 18h. Soyez là 18h. Oui. Elle chante à 18h30 à peu près. Oui, entre 18h30. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, elle nous a chanté Comme toi, donc ça donnait un petit avant-goût, ça vous donnait envie d'y aller le 21 juillet. Et là, elle va nous interpréter une autre chanson qui va être Encore un soir. Oh, oui, ça joue beaucoup. Salendia. Ouais, mais elle est belle. J'ai été la voir là. C'est vrai, elle va bien. Ah, elle va super bien. Ouais. Elle est très souple, très très souple. Ouais. Elle a toujours. Hein, Et magnifique. C'est vrai. Showgirl. Ah oui, évidemment. À l'américaine, j'imagine. Bah, pas vraiment. C'est vraiment, vraiment intimiste là. Intimiste. Au stade Pierre Mauroy. Ouais, mais non, mais je veux dire, elle aurait pu faire un show. On n'était qu'une quarantaine de milieux quoi. En tête à tête à tête à tête à tête à tête à tête à tête. Elle aurait pu faire un show extraordinaire comme elle peut faire à Las Vegas, mais finalement non. Elle parle pas du tout de son mari. Bah, mais oui, ah bah alors ça n'empêche quoi. Mais ces chansons toutes ces chansons sont en rapport avec il y a beaucoup d'émotions et franchement c'est magnifique. Ouais. Par contre moi j'hésite pas à te dire hors antenne puisque tu le disais, je crois que tu l'aimes beaucoup, Céline Dion, je ne l'apprécie pas. mais par contre, c'est une des plus belles voix du monde. Elle l'était pour moi. C'est-à-dire, maintenant, quand elle chante, je trouve qu'elle est trop rentrée. Et elle a besoin de revenir un peu en France. Elle a besoin de reprendre un Goldman, un Obispo. Elle a besoin de redécouvrir sa voix. Elle est trop, trop dans un moule maintenant où elle a pris un style. Oui, je trouve qu'elle elle est, elle est plus du aussi, tout. Hein. Elle chante, évidemment. Elle a une voix, c'est un instrument. Non, oui, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle avait la capacité de nous envoyer de l'émotion. Moi, j'ai eu l'occasion de voir en HD son spectacle à Las Vegas où elle chante. Bien, ouais. Voilà, elle chante. Oui, c'est plus, elle est plus du tout inspirée. On disait tout à l'heure, je suis certain quand tu vas chanter, toi t'es habité par ses chansons. Quand elle était sur Goldman, quand elle était inspirée par Goldman, quand elle a pu être plus jeune, etc. Peut-être qu'elle était aussi amoureuse, elle a eu son mari avant d'être maman, elle a une histoire de vie. Et je crois que maintenant elle est devenue la star inconditionnelle du show Las Vegas à 20h qui se produit devant des gens. Et je trouve que ses qualités vocales qui sont peut-être pures, mais non. Elles sont plus aussi pures qu'avant. Ouais. Je suis désolé, c'est pas une question d'âge. À chaque fois qu'elle chante Goldman, c'est vrai qu'elle a... Elle est... Ah, c'est le style Goldman, de toute façon. Elle a pris... Oui, non, mais elle voilà. Lui, c'est vrai, il y a vraiment su percevoir la femme qui était derrière. Elle a... Et ça se retranscrit. Elle avait des gens qui écrivaient pour elle et qui l'amenaient dans des choses avec sa capacité vocale qui lui donnait qui lui retirait un peu son accent, qui lui faisait peut-être couper ses phrases. J'arrive pas à le faire, évidemment, mais vous le savez, vous l'entendez, là, ce côté un peu américain maintenant qui prend toujours de fond de gorge, etc., qu'elle n'avait pas avant. Et maintenant, c'est de plus en plus. Je l'entend sur toutes ses musiques. Elle a refait Je suis le roi du monde, là, le Titanic. Elle le chante, bah, évidemment, sur une tu prends chaque note est pure, mais il n'y a plus d'âme. C'est plus du tout comme elle le chante, comme elle le chantait avant. Elle, avec son accent de fond de gorge, là, elle s'économise parce qu'elle fait trop de show. Elle a pas arrêté pendant un an avec un mec qui lui a écrit peut-être un nouveau. Hein, ça peut être un Stromae, un machin qui lui écrit autre chose et qui exploite sa voix comme un instrument. Elle écrit une chanson. Bah, je suis pas talentueux, moi. Je suis beau, intelligent et humble, mais pas talentueux. Non, mais je parlais de toi, là. C'est bien ce que je dis. Ah. Alors, Maureen, eh ben, on t'écoute, alors. Encore un soir. Ah, j'adore. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mon tir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à ton dégât. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh, si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une. Même s'il est tard, j'ai jamais rien demandé. Ça, c'est pas la mer à boire. Aller face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, ou juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Qui se mentent d'inventant des rêves en d'un instant de grâce. Où je donne ma place au paradis si l'on oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur comme une fleur. En souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien du tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps des horloges se repose et caresser. Juste un baiser. Un baiser. Encore un soir. Encore une heure. Un peu de nous. Un rien. Encore un soir, interprétation de Maureen que vous allez retrouver donc le 21 juillet donc au parc communal de Moucron, voilà, donc pour la fête nationale. Donc elle fera les intermèdes entre les différents groupes, donc vous aurez l'occasion de la voir 2 fois 20 minutes. Alors franchement, là si vous n'êtes pas conquis, je sais pas ce que vous n'avez pas bien écouté, mais honnêtement, il faut aller la voir, donc le 21 juillet. T'es toujours avec nous évidemment Maureen, hein, et tu nous feras peut-être encore un petit live. Oui, bien sûr. Ça serait sympa. Eh bien là, on va passer à Monsieur Flipkat, si vous êtes d'accord. Oui. Ouais. Alors je rappelle qu'on a un challenge, on doit le vous voyez. Le premier qui le tutoie, il paye un verre. Hein. On est d'accord? Ça marche, moi je m'oublie. Voilà. Et donc tu vas nous. Non, moi je suis le juge. Non, je suis le juge. Toi, t'es le con qui va nous payer tout. Je te le dis. Alors là, et tu la ramènes, ça fait la 5e fois pour s'en payer à mer. Toi, t'es mort. Et une. Non, mais je suis citoyé Canon. Non, moi déjà, tu me dis vous. Alors, il y a un jingle? Bien sûr qu'il y a un jingle. C'est parti. Allez, c'est parti. No one passes this way. Hey, je t'attendais. Non, maintenant c'est another one bites the duster. C'est ça, another one drives the duster. Ou bye, non? Pardon, non. Another one bites the duster. Non, c'est celui qui achète un duster. C'est la pub, hein? Ouais. Allez, on vous écoute, Flipkat. Très bien. À vos ordres, Sherlock. Vous êtes beau. Non, quelqu'un peut pousser sa chaise roulante vers le micro, s'il vous plaît. Je suis déjà devant le micro. Oh, pardon. Et il vous emmerde. Mais vous pouvez me tutoyer, hein, si vous voulez. Ça, c'est fait. Oh, certainement pas. D'accord. Allez, donc je vais vous parler de Chris Rea. Ah, à votre avis, il est américain ou anglais? Bah, il est anglais. Si anglais. Tu me poses la question, c'est qu'il est anglais. Ouais. Alors qu'il fait plutôt américain. Hein. Oui, justement, c'est pour ça que je pose la question, parce que beaucoup de gens pensent que... Je pense aussi, honnêtement. Alors, son vrai nom, c'est Christopher Anton. Rare, c'est son vrai nom. Il est né le 4 mars 51 à Middlesbrough. Alors, donc, ça, c'est à Patlin, je ne sais pas trop où. Mmh. En Angleterre quelque part, ouais, on va dire par là. Certainement, Et donc, c'est un chanteur à succès, effectivement, hein, comme ça a été confirmé plusieurs fois, et auteur-compositeur aussi anglais, d'origine italienne et irlandaise. Voilà. Alors Chris Rea donc a succédé en fait à David Coverdale qui l'avait dans un premier temps fondé un groupe. Oui. Ah d'accord. Okay. Oui, futur Deep Purple, hein, et également de Whitesnake. Et donc dans le groupe qui devait s'appeler initialement Magdalena, ils ont gagné un concours national en fait de jeunes talents en 75, mais le groupe ne parvenait pas pour autant à se faire remarquer et à signer dans une quelconque maison de disques en fait. Donc Chris Rea à partir de là quitte le groupe pour entamer une tournée en carrière solo en 76. Et signe alors un premier contrat avec la maison de disques Magnet. Et en 78, il a pondu un premier album qui s'appelait Whatever Happened to Benny Santini. Oula, quel titre, c'est un titre. On dirait un titre de film en fait. Ouais. Benny Santini. Benny. Mais ça me dit quelque chose. Ouais, c'est un titre de Chris Rea. Non, mais Benny Santini, c'était... J'aurais dû... C'était pas un acteur. Par curiosité... Benny Santini, je sais pas. Un acteur noir et blanc, un grand j'aurais acteur. Dû... Non, ça part pas là-bas, Wikipédia. Par curiosité, j'aurais dû regarder pour pouvoir. Non, mais Mike, quand tu es pas devant Internet. Non, mais Mike, Wikipédia. Mike, on loue. Ce qui fait Wikipédia malin, il est en direct, mais il n'est pas sur Internet. On loue Universalis, et merde. Si ça, mais regarde un peu Billy Santini, si vous voulez bien. Ouais. Si tout à fait, bien. Très cher. D'accord. Alors donc sur sa premier album, il avait pondu un premier titre. Vous allez voir, bon, ça donne un petit peu le style, ça définit un peu le style de Chris Rea. Et en fait, ce titre s'appelait Fool, avec l'extension en fait If You Think It's Over. Et en fait, c'était une chanson qui était écrite pour une de ses sœurs. En fait, il faut le traduire vous êtes cinglé si vous pensez que tout est terminé, quoi. D'accord. Voilà. Et là, donc, on est. C'est un album qui est devenu disque d'or aux États-Unis, assez bizarrement. Alors, le premier titre, si vous voulez bien, très cher. Bien sûr. Vous pouvez le tutoyer, hein, vous, si vous voulez. Non. Oui, et alors connaissait déjà pour un premier titre quand même, oui, ce qui allait devenir un peu sa marque de fabrique en fait. Alors bon, malgré tout, donc comme je l'avais dit, ce premier titre, hein, issu du premier album, Whatever Happened to Benny Santini, qui est devenu disque d'or aux États-Unis, c'est pas pourtant qu'en fait lui, je dirais, ça l'a détourné de ce qui s'était fixé, puisqu'il avait décidé de se concentrer principalement au niveau de sa carrière sur l'Europe. Il a sorti à partir du début des années 80 quand même 8 albums. Avec évidemment, alors là on va y venir très rapidement, des titres entre autres comme On the Beach. Ah bah oui. On est en 86. Ah, j'adore. On the beach. Pas on the beach. Non, pas la. Non. Quoique les deux sont, on peut les trouver au même endroit, hein, la beach on the beach. Bien sûr, ça aurait pu. Je disais en antenne que la musique là, tu la reprends, tu retires les paroles et tu chantes du Sade. Ouais. Smooth Operator. Ah ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Donc ça, c'est un premier single, hein, donc premier succès, on peut dire, en 86. Et puis évidemment, suivi, vous en aviez parlé, hein, très cher. Oui, vous me disiez. De Joséphine. De Joséphine, ah, en oui. 87. Joséphine. Deuxième single. Ah oui. Si on pourrait, les cinémas pas les règles. Oh là là, ça va ? Si nous pouvions l'écouter dans l'entièreté tout à l'heure, ce serait bien. Bien sûr, c'est plaisir. Mais alors justement, ça, ce sera une chronique que je vais faire dans quelques semaines. Oui. Les samples. Mm-hmm. Là, il y a un sample dedans. Ah bah oui. Tout au début, c'est Lucky Star. Ouais. Vraiment le tout début, c'est. Let me be your lucky star. Ouais. Et j'allais en parler. Oui. Écoute, c'est fait. Écoutez, allez-y. Mais parlez-en, je vais en parler, hein, si vous me laissez. Parce que je n'ai plus le nom du groupe. Ouais, je vais venir après. Donc évidemment, ces deux titres qui ont cartonné en France, hein, ça c'est pas une découverte. Et donc ensuite, il a fait une compilation, en fait, qui s'appelait New Light Through the Old Windows en 88, où effectivement on pouvait retrouver ces grands titres et succès commerciaux. du moment. Alors son album suivant va l'amener au sommet de sa carrière, évidemment, avec, vous le devinez, alors là je vous dis, on The Road to Hell. Ouais, voilà. Ouais, bah oui. Yeah. Là, tu suis pas, il a fait The Road to Hell, effectivement. Évidemment, qui a cartonné également en France, mais qui a été un des titres qui a le plus cartonné également dans l'hit-parade anglais. Alors, cette popularité européenne ne traverse toutefois pas l'Atlantique, contrairement à son premier album qui était sorti, et non, hein, et où ses chansons connaissent des résultats plutôt modestes. Alors, évidemment, après, on va y venir, puisque très rapidement, on arrive à la fin des années 80, et on va parler de l'album Auberge. Oui, Auberge, duquel, alors justement, oui. Alors ça me parle. Alors là, on est déjà en 91, hein, c'est une période assez tourmentée pour lui. Alors en fait, il a composé une chanson aussi, à savoir parallèlement à Auberge, à la même époque, pour Johnny Hallyday, ça je l'ai appris. Ah bon ? Qui s'appelait True to You. Ah ouais. Et je n'ai pas cherché le titre, j'ai complètement zappé, mais ce serait peut-être intéressant de voir. D'ailleurs, je fais un coup à Johnny Hallyday. Ah. Et Herbert Léonard. Et Herbert Léonard. Oh. Alors, évidemment. Non, j'aime bien Herbert Léonard. Ouais, s'il refait surface. C'est beau. Oui. Vous avez un humour formidable. Oui, je le sais, oui. J'ai pas parlé d'autre chose non plus. Non. Non, vaut mieux pas. Yeah. Non. Non, non, non. Non, non, non. Vas-y, continue. Chris Rea, alors. Alors, dans Chris Rea, oui, donc je le disais, on arrive déjà à la fin des années 80. Là, évidemment, pour la circonstance, je l'ai quand même mis. C'est un titre de 91. Hein, donc, on va le passer vers Auberge. Donc, hein. Allez, on va l'accorder. On va vous l'accorder. Ouais. Ah, la guitare, je te l'accorde. Ouais. Ah, c'est quoi de le dire. Ah, ouais. Il a été belle celle-là. La ouais, guitare, oh, je te l'accorde. Il a relevé. Oh, oh, joli. Oh, tu l'as pas fait exprès, arrête. Bah, c'est pas la première fois que je le place en fait. Ah, ouais, d'accord. Mais c'est pas mal. Honnêtement, c'est la première fois que tu l'as écouté. Je vois, ça change. Voilà, exactement. C'est cela. Oui, c'est bon. Alors, bah, justement, tout à l'heure, on avait fait mention, justement, on va y venir. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, il est devenu très prolifique au niveau des compositions, des enregistrements, puisque en fait, même s'il n'avait pas de succès, il a poursuivi les enregistrements, les tournées qu'il a accumulées, aussi bien en Europe qu'outre-Atlantique. Et en 2000, le groupe français de musique électronique, justement, Superfunk, associé au chanteur américain Ron Carroll, s'inspire largement dans leur morceau Lucky Star du morceau Joséphine. Alors, pour c'est juste l'intro aussi. C'est juste l'intro. Je ne l'ai pas écouté honnêtement. Si, si, ah, c'est juste l'intro. C'est juste l'intro, ouais. C'est juste l'intro de Joséphine en fait. Ouais. C'est, bah, je peux vous repasser juste l'intro, ça, c'était ça. Ouais. Voilà. Et ça s'arrêtait là en fait. Ouais, ils repartent après sur autre chose, mais vraiment le tout début de l'intro, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'ils ont dû payer des droits pour récupérer. Non, je pense pas. Il n'y a pas assez de notes. Ouais, je sais dire, c'est un, je sais pas. Au-delà d'un certain nombre de notes, non. Je ne sais pas. Ouais, non, je pense pas. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour. Bon, il faut savoir que quand même, c'est quand même quelqu'un qui a, j'aime malgré ses déboires, puisqu'il faut savoir qu'il avait, il s'est battu contre un cancer du pancréas. Ah. Il a continué à tourner et à enregistrer malgré tout. Pancréas, bah oui. Ouais, ça rime. Oh là là. Voilà. J'y ai pensé, je me suis dit non, je vais pas le faire. La face. Je vais pas le faire, il y aura bien un autre con qui va le dire autour de la table. Mais on est toujours le con d'un con. Ben, hein, c'est ça. Ouais, les mopettes là. Et en dehors de, ben de ses participations, parlons musicales, hein, c'est normal avant tout. Et il a quand même, il s'investit dans certains films, entre autres par exemple Parting Shots. Ah, ouais, je Parting Shots, oui. Il tient le rôle principal de cette comédie aux côtés de John Cleese. Ça vous parle, John Cleese? John Cleese, oui, c'est les Monty Python. Oui, les Monty Python. Okay. Oui. Ah, oui. Avec Bob Hoskins et Jonah Lumley. Jonah Lumley, chapeau melon et bottes de cuir. Et Bob Hoskins, c'est qui veut la peau de Roger Rabbit. Oui, entre autres, c'est aussi Peter Pan. Je préférais Emma Peel. Et Peter Pan, ouais, Super Mario aussi. Super Mario, mais on va l'éviter. Ouais. Et dans lequel il joue en fait le rôle d'un homme à qui on révèle que le cancer, justement, lui laisse 6 semaines à vivre et qui décide de tuer ceux qui ont fait du mal durant sa vie. D'accord, en fait. Voilà. C'est une bonne idée. Non, c'est encore gay, ça. Il est aussi l'auteur d'un long métrage, là, par contre, ça ne me parle pas, La Passion, ça s'appelle, l'italienne, La Passion, je ne sais pas comment. Un film dont l'action se situe au début des années 60. Voilà. D'accord. Entre autres. Et donc aujourd'hui, plus de nouvelles de Chris Rea. Alors, plus depuis, je crois que le dernier album est sorti en 2008, plus depuis de 2016. On d'accord. en a parlé encore récemment, mais depuis 2008. Il y a quel âge ? Il est de 51, là ? Ah ben, si 51, suivi. Ouais, donc... 51, 16, 66 ans. C'est jeune, hein ? C'est bien maintenant, 50 ans, j'ai référence. Voilà. c'est par échelle de 100. Donc je fais 61, il faut rajouter 16. C'est ça. Et merde. Non, mais... Avant, c'était plus complexe, on avait 35 et demi. Je pense que ça tombait bien, parce qu'effectivement, bah, les plus gros titres, on en a parlé en antenne, c'est effectivement la... Bah, la sélection, elle coule de source, quoi, en fait. Bien sûr. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Mais il y a quand même, je crois que c'est, j'avais compté tout à l'heure, on en est à quelque chose comme, je ne sais plus, 16, ouais, pratiquement 16 albums quand même. Ah oui, ouais, quand même. Hein. Ouais. Eh bien, écoute, merci. Paf, une tournée. Ah, bon, t'as dit écoute. Bon, ah non. Il a dit écoute. Écoute, Canon. Non, mais j'ai pas fini ma phrase. Bah écoute, Canon. Tu vois, t'es un petit joueur. Mais non, franchement. Écoute, j'ai pas fini ma. Phil Cat nous a fait une belle. Voilà, exactement. Monsieur Phil Cat. Phil Cat nous a fait une excellente chronique. Et nous vous remercions. Le vieux vous a fait une belle chronique. Voilà. C'était chouette. Non, c'était chouette. Franchement, c'était chouette. Voilà. Comme d'habitude. Il te tourne le dos. Il y a eu plus souvent de d'habitude avec des chroniques que d'habitude sans chronique. Et oui. Ah, j'ai pas suivi. Merde, à la fin, il va nous faire un proverbe. On va encore mettre une heure à comprendre. Non, comme d'habitude, t'as l'air de dire que comme d'habitude... c'était bien, c'était chouette. Non, j'en fais pas souvent. C'est vrai que ces derniers temps, malheureusement, j'ai pas toujours pu... Mais vous arrêtez de vous vexer un peu, monsieur Flipcat. Alors, il faudra apprendre, Canon, tu apprendras à Odissa que quand elle parle, il faut qu'elle utilise un micro. Elle le sait toujours pas. Ah oui, c'est toujours pas. Il fait une petite leçon. C'est la seule blonde à parler dans un casque. Je n'y peux rien, vous m'avez tout enlevé. Mais tu prends le micro. Je n'y crois pas. C'est la seule blonde à parler dans son casque. Sinon, on aurait vomi. Pour toi, hein. Bon, allez. En parlant chronique, t'as pas fait de chronique, toi, aujourd'hui ? Mon chéri, je l'ai dit. Si tu m'avais écouté en début d'émission... Bon, vous ferez l'amour hors antenne. On va se faire une petite coupure musicale. Oui, bah justement, avec Chris Rea et Joséphine. Bah oui, bien. Et ensuite, on va revenir avec un autre monsieur qu'on a plus entendu dans les pubs. Ouais. Robert Palmer. Ah oui. Every Kind of People. Et là, on va partir au bar every de cette-là. Ah bah oui. Ah oui. Bah, allons-y. Allez, Paul. Une tourtelle. Every single Eh bien oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM dans l'émission 80 à l'heure. Et là, bah oui, bah on embraye directement sur la chronique ciné. Parce que il y a Maureen encore qui doit chanter après, donc on va pas trop perdre de temps non plus pour c'est qu'elle vrai, puisse parle, pour qu'elle puisse se concentrer. Tu vas donner aussi envie à Maureen d'aller au cinéma. Mais j'espère bien. Eh ouais. J'espère bien. Surtout le week-end qui approche, elle va avoir du boulot, la malheureuse. Bah non, c'est vendredi. Tout est permis. C'est cela. Bon. C'est Maureen, elle s'est dit, où est-ce que je suis ici ? C'est pas possible. Donc, je vais commencer donc avec une sortie ciné qui s'appelle Sale Gosse. Ça sort donc demain en France et en Belgique. C'est avec Thomas Soliveres, Tania Loper et Albert Delpy. C'est un film de Frédéric Kiering. Donc cet été, Alex se retrouve moniteur d'une colo très particulière. Car ici, point d'enfants ni de tête blonde, mais des retraités et des cheveux blancs. Ah, j'ai vu la bande. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Ah, ouais. Retraités déchaînés en colo, mono au bout du rouleau, il n'y a pas d'âge pour être un sale gosse. Ouais. Effectivement, il va en prendre plein la tête. Quoi. Ah, ouais, ouais. Ça me fait penser à la pub Charal. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Oui, ouais, ça fait un peu ça. Même ça fait un peu ça. Ouais. Film français ou pas? Parce film français, ouais, d'accord, ouais. Ok. C'est un film français. Alors Thomas Soliveres, on l'a vu, il est encore à l'affiche d'ailleurs. C'est Mon Poussin avec Pef et Isabelle Lanty. D'accord. Où ils mettent des claques dans la tronche. C'est ça. D'accord. Alors ensuite sort demain et c'est sorti la semaine dernière en France. Spider-Man Homecoming, donc avec Tom Holland, Marisa Tomei et Robert Downey Jr. C'est un film de John Watts. Donc après ses spectaculaires débuts dans Captain America Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Oh là là. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l'œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s'efforce de reprendre sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu'il est plus que le sympathique super-héros du quartier. Et donc l'apparition d'un nouvel ennemi, le Vautour, donc qui sera joué par Michael Keaton, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui. Donc effectivement, c'est la, on va dire, troisième trilogie, même si la deuxième trilogie n'a eu que deux épisodes. Mais c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Iron Man ? Ben parce que ça fait partie des Avengers. Ouais, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans Spider-Man ? Ben, c'est son mentor. Ah bon, c'est lui nouveau, qui... ça. Bah ouais. On invente n'importe quoi. Ouais. Donc ça fait, en fait, quand on réfléchit, le nombre de films Spider-Man, il y en a eu combien là? Là, c'est le sixième. Oh là là. Vas-y, n'importe quoi. Enfin, si on compte pas les films qu'il y a eu dans les années 60 et tout ça. Hein. Oui, non, bien sûr. Si on compte à partir des années 2000, c'est le sixième. Ok, super. C'est, Maureen est motivée. Hein. De quoi? Pour les films? Ouais. J'aime bien le premier, moi. Ah, okay. D'accord. Bah, tu vas peut-être bien aimer celui-ci également. C'est un film qui s'appelle La Colle, qui sort demain en France et en Belgique. C'est avec Arthur Mazet, Kharidja Touré et Thomas VDB. C'est un film de Alexandre Castagnetti, et donc c'est Benjamin qui hérite injustement de 2 heures de colle un samedi. Il réalise une fois sur place que Leïla, la fille dont il est secrètement amoureux, fait partie des collés ce jour-là. Et encore mieux, elle vient s'asseoir à côté de lui car il est le seul à avoir son livre de maths. Alors qu'il va aux toilettes se rafraîchir les idées, lorsqu'il revient, il se retrouve projeté comme par magie au moment où Leïla vient s'asseoir à côté de lui. Il est dans une boucle temporelle, et en fait, il va devoir s'en sortir. Le truc, c'est qu'il peut pas s'éloigner d'elle de plus de 3 mètres. Donc, lui, il va essayer de la draguer, forcément, il va essayer d'avoir un bisou de cette Leïla. C'est complètement loufoque. Ouais, ça part complètement scénario, cacahuète. Ouais, ça part complètement cacahuète. Rien que la bande-annonce, franchement, ça m'a vraiment donné envie d'aller le voir. Ouais, mais toi, tout te donne envie d'aller voir. Non, pas forcément tout, mais celui-là, oui, en tout cas. Ok, rappelle-nous le titre. Ça s'appelle La Colle. La Colle, ok. Alors, et je vais finir avec le film Dunkerque. C'est avec Tom Hardy, Harry Styles, donc c'est l'un des One Direction, et Kenneth Branagh. C'est un film de Christopher Nolan qui a notamment fait les derniers Batman. Et donc c'est, ça sort en France et en Belgique également demain. Donc c'est un film d'action spectaculaire, donc Dunkerque, qui se déroule au cours de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940. Ah, c'est prometteur ce film. Oui. Mais j'ai trouvé que ça a été vite monté ce film, ou alors ouais, je connais qui a été figurant de là-dedans. Ouais. Ah ouais, un soldat, ouais. Ah, ça doit être génial. Mais j'avais postulé moi à l'époque. Oui, je me souviens. On en avait parlé. Ouais, mais il fallait être fallait être locaux, quoi. Enfin, il fallait être du coin de Dunkerque, bah, en fait. Non. Bah non. Parce qu'il y a vite trop l'eau. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, moi ça n'a pas marché. Mais, toi non plus, Clip 4. Non, quand tu m'en as parlé, en fait, et que j'ai voulu le faire, à mon avis, il était trop tard. Ouais, mais j'ai trouvé que ça a été vite monté, en fait. Ouais, vite filmé, vite monté. Quoi, parce que c'était quand? C'était l'année dernière, quoi, où ils ont fait le tournage. Ouais, l'année dernière, quand tu dis que ça, ouais. Ah, c'est ça, voilà. Ouais, l'année dernière. Eh bien, Maureen, t'irais voir quoi? Le premier film. Le premier, Sale Gosse. Ouais. Ah tiens, ouais. Comme par hasard. Onissa, t'irais voir quoi? Ah oui, Sale Gosse, ouais, j'ai vu la bande-annonce, génial. Ouais, moi aussi. Du 4? Non, bah Tournevis. Ah bah Dunkerque. Bah Dunkerque, oui. Ouais. Ah, ouais, je préfère dire Dunkerque. Dunkerque. J'allais voir Dunkerque. Ouais, bon. Dunkerque. Dunkerque. Et toi, cher Ben moi, il y en a plusieurs qui me tentent. Hein. Bah tout sauf Dunkerque, en fait. Oh, sérieux? Ben oui, je suis pas très film de guerre, en fait. Ah, donc, ouais, mais enfin, ne serait-ce que le fait que c'était filmé oui, en, ouais, en, c'est en vrai. Majeure partie à Dunkerque, c'est vrai. Ça peut peut-être valoir le coup. Bah en fait, tous. Ok. Tous, oh, mais enfin avec une préférence pour les trois premiers, quand même. Parce que la colle, moi, ça me paraît un peu bizarre, ton film. Ah non, moi, enfin, mais va voir la bande-annonce, tu me diras après ce que t'en as pensé. Mais franchement, moi, ça me tente vraiment bien, celui-là. Eh ben écoute, c'est noté. Merci. Alors moi, tout le monde s'en fout, mais j'irai voir Dunkerque. Ouais, mais toi, t'étais pas là. Voilà. Alors, si, j'ai écouté la chronique de Sherlock pour voir si ça passait bien et savoir s'il y avait des craquements qui passaient. Il n'y a pas de craquements sur l'antenne. Donc, voilà. Okay. C'est pas gentil, hein, mais j'ai écouté, moi, j'irai voir Dunkerque. Je crois que ça va être vraiment un très très bon film parce que le réalisateur, ça a l'air d'être quand même chiadé. Hein. C'est un gars qui sait faire. Ouais. Je crois que les prises de vue, tout ça, ça va. Ah, bah c'est celui qui a fait les derniers Batman. Hein, donc, J'espère que ça a sonné un peu comme Soldat Ryan. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. J'espère que ça va sonner un peu comme ça, que ça remet vraiment quand même dans l'ambiance, parce que ça a été un drame. Hein. Ouais. 400 000 mecs, ça a été un drame. Hein. Mmh. Donc voilà. Mon grand-père y est resté d'ailleurs. C'est vrai? Non. Non, non, c'était pour rire. Oh, non, mon grand-père y est resté. Onissa avait déjà l'air désespéré. T'as perdu ton grand-père? Non, c'est à Calais. Ok, eh ben, écoute, merci Sherlock. Je vous en prie. Alors, on rappelle que nous sommes avec Maureen, qui va se produire donc le 21 juillet, donc à partir de 18h, au parc communal de Moucron. Alors, avant que tu nous interprètes donc une nouvelle chanson, tes impressions, parce que tu vas te retrouver quand même devant plusieurs milliers de personnes quand même. Hein. Ouais, il y a du public. Il y a du public, il y a du monde. Non, faut pas, ils sont bons enfants. C'est une scène que j'ai toujours vue parce que je vais tous les ans. Et je me suis toujours dit, ah, quel rêve, j'aimerais tellement monter sur cette scène. Mm-hmm. Je suis montée pour juste danser avec l'âme, quoi. C'est bien déjà ça. Oh, c'est non, mais c'était comme ça, quoi. Elle avait besoin de filles, donc j'étais tout prêt. Mm-hmm. Et là, je vais être dessus et ça va me faire bizarre. Eh ben, écoute, rassure-toi, c'est un bon public. Parce oui, que, oui, franchement, un bon j'ai public. Eu l'occasion de le faire, moi. J'ai eu l'occasion de le faire en faisant la première partie de François Valéry. Non, c'est vrai. Dire, en faisant la première partie de François Valéry. Et c'est vrai. Non, j'y pense maintenant, du coup, parce que je suis en train de me dire, mais ça me parle. Mais oui, mais je l'ai fait, moi, il y a quelques années. Et vraiment, un accueil exceptionnel. Vraiment, un bon public. Ils vont devoir être indulgents, j'espère. Mais non, ils n'ont pas besoin. Franchement, c'est vraiment un public bon enfant. Ils sont là pour faire la fête et ils accueillent. Ils sont très ouverts. Ah bah super, si. Je pense qu'il y a un moment, enfin je commence à te connaître, hein. Vas-y, t'as tout le talent. En fait, Maureen a du talent, mais je crois qu'il s'exprime à 95%. Il y a 5% qui fait toujours, mais est-ce que les gens vont aimer? Ouais, est-ce ça. Que les c'est lance, t'es quelqu'un qui peut envoyer du 105%. On se dit toujours, on chante, t'es pas Céline Dion, t'es pas tout ça, mais par rapport au niveau de gens qui chantent, des gens qui font du karaoké, tu sais que c'est un petit peu mon métier, des gens qui chantent très bien, tu chantes très très bien. Donc après, il y a... Voilà, les voix exceptionnelles dont on parle pas, mais tu peux très très bien tenir un moucron et chanter, foutre en le plus, feu. C'est vraiment dit, la voix pour. Quand il m'a dit chansons populaires, je me suis dit oh là là. Si, parce qu'en fait, il faut les emmener. Si tu les emmènes, ils vont suivre. Limite, c'est juste si t'arrives à arrêter. Hein. C'était bientôt si je voulais pas des danseurs. Tu te souviens, on en avait parlé. Ah ouais. Je voulais pas des danseurs derrière pour dire que ça fasse pas vide. Et en fait, c'est pas utile, hein. Ben c'est toi qui m'as dit que c'était pas utile. Ah non, au contraire. Et que ma voix, voilà. Ouais, tu vas les transporter si tu le. Allez, là le plus. Tu seras pas seul. Serais deux sur ça. Ouais, c'est bien ça en fait. C'est parce que j'ai un problème de santé avec ma grossesse. Et c'est vrai que bouger pour moi, ça va être compliqué. D'habitude, je bouge beaucoup. Bah, tu rouleras là. Est-ce que t'as déjà. Mais toi, trois fois, dis. Est-ce que t'as déjà vu Piaf faire du disco ou danser le jerk? Non. Tout à l'heure, tu m'as scotché. Et je crois que t'es un petit peu en dessous de ce que tu peux encore faire. C'est la première interprétation de Goldman parce que t'es assise et puis t'es dans un studio et puis l'écoute est pas très très bonne. Et je pense que là, s'il y a la bonne sonorisation, tu lâches du Goldman quand tu l'as fait comme tu sais faire, etc. Ça va scotcher les gens. Et je pense que c'est aussi ton choix de musique. Tu devrais commencer par ce genre très poussé, très intimiste. Le Goldman, elle m'a mis les poils. Hein, ouais. Moi, je te conseille de surtout pas lâcher les chevaux trop vite. Bah, je vais vous donner ma première chanson. Je commence avec Christine and the Queen. Ah, de Christine. Oui, c'est bien. Donc, c'est bien, c'est un bon choix. Après, tu peux danser comme elle aussi. Hein. Franchement, quand on voit le clip là-dedans, tu pourrais le faire. Vrai, là, Ne doute pas de toi. Non, absolument. Non, pas. Non, lâche-toi parce que franchement, c'est un bon enfant. Si elle nous écoute aujourd'hui, tu connais Laurie qui chante à Saint-Jean aussi. Oui. Voilà, et elle a fait les championnats d'Europe de karaoké, etc. Ouais, où elle n'a pas été sélectionnée. Mmh. Je lui dis tout simplement, il n'y a aucun problème, t'es quelqu'un qui gagnera un jour. Le jour où tu comprendras que t'as une vraie voix et qu'à un moment, il faut la vivre. Elle est encore un peu en deçà, non pas qualité vocale, mais elle est un peu trop dans, tu sais, la chanson très statique. Ouais. Elle n'est pas encore habitée. Je t'ai déjà vu habitée par des chansons. Ouais, voilà, ouais. Donc, j'en pleure même sur scène, c'est terrible. Ouais, bon, ouais, t'es pas mais obligé, ça, les gens le perçoivent chiant. Et ils sont très, très ça monte tout seul. Ça, et, ouais, puis, voilà. Et puis t'es Mimi. Je suis Mimi. Je sais pas encore. Elle était bonne celle-là. Allez, allez, je sais pas. celle-là, elle est bonne. celle-là, elle est très bonne. Si, elle est très bonne. Là, ils peuvent. Hein. Bienvenue dans 80 heures, vous n'êtes toujours pas sur RTL. Et donc là, Maureen, alias Mimi, tu vas nous interpréter. Bah, on a bien discuté et puis finalement c'est Libéré délivré qui ressort. Ah oui, j'adore. Ouh, je vais frapper chaud. Une femme enceinte en direct. C'est chaud, c'est chaud. Ah ouais. Mais ouais, c'est ma fille qui m'écoute et elle adore. Elle fait un truc juste avant de la mettre au lit. C'est trop mignon. Elle est là, elle fait et puis c'est elle qui choisit les chansons, mais elle parle pas. Elle parle pas vraiment. Ouais. Mais elle a le rythme. Oui. Donc elle est là à crier Ah Tevenia, donc je sais ce qu'elle veut chanter. Ah oui. Lion. Ouais, ouais. Et puis elle est là à faire je. Alors je sais qu'elle veut chanter je suis libertine. Elle est trop petite. T'es trop petite. Mais elle parle pas, mais elle a le rythme. Ah, oui, vraiment, ah, vraiment. C'est ouais, ça. Ouais. Et en fait, je pense qu'elle va chanter avant de parler. Donc voilà. Et de temps en temps, elle te fait pas tout. Non. Donc là, elle t'écoute, ça. Ouais, là, et tu chantes pour elle? Je chante pour elle. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Elsa, justement. Elsa, est-ce que tu pourrais couper la radio pour ajouter? Bah, non, Elsa, si tu reconnais ton prénom, Elsa, on te fait de gros bisous et c'est maman qui va chanter. Yeah. Son surnom, c'est la crapule, au cas où. Bon, allez, la crapule. Ah, moi aussi. Allez. Allez, c'est parti. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige règne à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdue dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystères. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Je ne pleure pas. Me voilà. Oui, je suis là. Perdue dans l'hiver. Le pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en Ouais. Excellent. Alors, le titre exact, c'est quoi exactement le titre? Libéré, délivré. C'est quoi le titre? Tu veux pas non plus qu'elle recommence, non? Non, mais sérieux, ça va suffire. Je vais vous dire une chose sincèrement, mais ça, c'est pour ma part, je déteste cette chanson. Ah, vraiment, je déteste cette chanson. On l'a tellement entendue. Et puis on en a tellement fait des parodies. Voilà, c'est une chanson qui avait le don de m'énerver. Et honnêtement, toi, tu l'interprètes d'une façon qui m'énerve encore plus. Alors, non, mais vocalement, la prise de note est chaude sur des niveaux, c'est pas mal. Franchement, t'es très très juste. Parce que pour voilà, t'es très très juste. T'écoutais un peu chiant là, j'écoutais le toi. T'es très très juste. Ouais, c'est, franchement, c'est beau. Parce que c'est pas la chanson la plus facile. Là aussi, la chanson, je l'ai entendue et réentendue. J'en avais marre et tu l'apprends très très bien. Et là encore, j'ai eu les poils quoi. Ouais. C'est pas forcément par rapport à la chanson, donc tu vois, c'est ça bien par rapport à. J'ai eu les poils. Mais les poils se sont dressés sur moi. Ah voilà, t'as eu les poils qui dressent. Parce que... Bah oui, c'est bah ça, les poils. Ah non, ça m'a mis les poils. Bah, ça m'a mis les poils. Il y a eu la touffe quoi. Ah ouais, ouais, c'est ça. J'ai eu la touffe. On en revient toujours au même. Non, arrête de te moquer de ses cheveux, il va faire quelque chose. En parlant de touffe, alors j'espère qu'Elsa a apprécié la chanson. Ma petite capsule. Alors, on rappelle donc que tu seras donc le 21 juillet au parc Comilla de Mougron à partir de 18h avec. Tu vas alterner avec les groupes qui vont fêter la fête nationale justement belge. Tout à l'heure, on en parlait, mais très rapidement, et on voudrait revenir dessus. Tu as participé donc à N'oubliez pas les paroles. Oui, j'ai participé à N'oubliez pas les paroles. Alors raconte-moi un peu l'expérience, parce que ça s'est passé comment déjà? J'ai dû m'inscrire sur Internet et j'ai été passer les castings à Lille. Ouais. Donc sans conviction, c'est vrai qu'il y avait trois trucs à faire avant. Et le premier, c'était à l'écrit. Donc je me suis dit l'écrit. Test écrit. Ouais. Ah donc ouais. Il te donne 20 chansons et tu dois remplir des bouts de phrases en fait. Il faut des que paroles, tu voilà des paroles ah et bon. C'est vraiment s'il y a 5 mots, c'est 5 mots, t'en mets pas 6, mm-hmm. sinon bah ta phrase elle est morte. Mm-hmm. Et c'est vrai que l'écrit, je me suis dit oh. Et la deuxième, c'était chanter devant tout le monde, et troisième, c'était chanter mais devant la caméra, etc., comme si t'étais dans l'émission. Donc je me suis dit franchement, si seulement la deuxième était passée en premier, pour moi je pense que je passerais quoi. Ouais. Et j'ai passé la première épreuve et je me suis dit c'est quoi ces chansons, mais des chansons de merde quoi. C'était quoi? Ah ouais, mais il y avait de tout. Hein. Je sais pas si Canon il se souvient. Il y avait Instant X que je connaissais pas du tout. Quoi. Ah, c'est Million Farmer, c'est le dernier et tout ça. Bah, toi, après, c'est une question de génération. Moi, ça s'est bien passé sur ça. Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, ça s'est bien passé. Ils m'ont dit, Carrie, super, la voix, génial, les paroles, c'est très bien. Je suis toujours pas passé. Ah mais tu vois, c'est une question de ouais, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est... Non, c'est une question de T'es des génies. Ouais, de profil, c'est-à-dire si tombe plusieurs fois, le mec grisonnant, machin, charismatique, c'est pas du tout valorisant. C'est que si t'es 50 comme ça dans la sélection, c'est que ça les intéresse pas. C'est qu'il y a un moment, il faut quand même dualité. Bon, toi, c'est vrai ce que tu me disais. Tu es tombé avec une Guadeloupéenne, enfin. Moi, je suis tombé avec une fille qui était black comme moi. Voilà, et c'est ça qui est rigolo. Hein, quand même, ça tombe par rapport à. Pardon ouais, mais c'est pas les UV. Hein, Zéroise, monsieur, ça se voit. Zéroise, voilà. Elle me l'a rappelé tout à l'heure. Et alors, donc, tu as été retenue. Et en fait, ouais, pour la première épreuve, j'ai été retenue, mais c'est vrai que c'était sans conviction. J'avais remis mon manteau et tout, j'avais mon sac à la main. Et puis, bah, voilà, on a tous ceux qu'on est en train de nommer là, c'est tous ceux qui partent, quoi. Donc, j'étais là, j'étais déjà partie. Mais c'est vrai. Ah bah merde, on m'a pas nommé, je suis encore là. Donc je m'installe, j'étais bien, je me dis ah, deuxième épreuve, je vais pouvoir chanter. Ouais. Et puis je chantais comme je chante, voilà. T'as chanté quoi? J'ai chanté quand la musique est bonne. Ah. Donc ils se sont tous mis à danser, tout bazar, c'était vraiment gay. Et donc ils partent, ils vont délibérer, ils reviennent. Bon, délibérer. Non, mais tu sais que c'est là aussi qui casse, c'est que les gars, excuse-moi, regardent aussi ceux qui dansent et tout ça. Parce que. Ouais, parce qu'en fait, tu peux pas rester statique quand il y a quelqu'un qui chante ou qui danse. Voilà. T'es obligé de danser même si t'aimes pas la musique, que tu la connais pas, t'es obligé de faire semblant. Non, parce que dis-toi que tous les candidats que tu vois, si tu regardes bien les émissions, il y a 5 émissions tournées aussi sur la même journée. Il y en a 10 là. Donc, et tu vois parfois les candidats qui se retrouvent dans le public. Donc en fait, il arrive un moment, ils sont en adhésion. télévision pendant 2-3 jours et puis bah, tu vois tout le monde claquer des mains en même temps et tout. C'est horrible. Mais ça tout ça c'est cassé. Moi, hein. Et t'as le mec avec Applaus parce que bon, dans d'autres émissions, toi t'y étais, mais dans d'autres émissions, c'est ça. Applaus. C'est horrible. Et donc la deuxième épreuve, pareil, j'ai remis mon manteau, mon sac. Je me dis, bon, moi je suis reparti quoi. On va peut-être pas me retenir. En plus, j'étais arrivée là-bas pas coiffée. Donc je me suis dit, je vais pas me coiffer, comme ça sert à rien. Voilà. Et ça sert à rien. Je me suis dit, voilà. Et finalement, j'ai été retenue. On était quand même une 150aine hein, et il en restait quoi 30 et puis on a été dans les chambres. Ah, ah, aussi qu'elle a fait. Je suis sorti au bout de 5 minutes, ils m'ont pris. pour enregistrer. Ouais. Et puis le truc, c'est que moi, normalement, je porte des lunettes et ou des lentilles. Et j'avais pas mis mes lunettes, j'avais pas mis mes lentilles. Ils m'ont demandé de chanter des chansons sur, je sais plus, je devais choisir deux ou trois chansons sur cette feuille. Et en fait, d'un seul coup, ils me montrent un panneau que je ne voyais rien du tout. Et en fait, ils l'enlèvent parce que bah, je devais continuer de chanter. Et moi, je savais pas la chanson. Et en plus, je voyais rien, donc je disais n'importe quoi. Donc j'étais là à danser derrière. Hop, je dansais. Je me suis dit, ça va passer. Et puis finalement, le 14 février, on m'appelle. Ouais. Ils venaient de m'ouvrir mon cadeau. Ah, la Saint-Valentin. Et oui, Maureen, t'es toujours avec Kevin ? On m'appelle comme ça, il n'y a pas de bonjour, rien. Ah bon, le numéro, je ne connaissais pas. Oui. Maureen, tu es toujours avec Kevin, oui, t'as offert un cadeau. Ben oui, il t'a offert quoi? Ben une perle, Pandora. Ouais. Ah super, ben moi je t'offre un passage à N'oubliez pas les paroles. Oh, je me suis mise à pleurer. C'est sympa, évidemment. Donc il était tout content, il dit, oh c'est mignon, tu pleures et tout. Mais en fait, moi j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent. Ah, t'as pas pleuré pour la perle, t'as pleuré pour N'oubliez pas les paroles. J'ai fait ça pour passer à la télé, pour toucher l'écran quoi. C'est quelque chose de super compliqué à faire, surtout en chant. Mm-hmm. Donc j'ai fait ça pour toucher l'écran, pour pouvoir être un jour sur TF1. Ouais. Une émission qu'on connaît tous, quoi. The Voice. Et moi, quand je suis arrivée là-bas, bon, on te prépare tous les jours. Pendant une semaine, ils t'appellent. Ouais. Tu dois faire ça, tu m'envoies ça, tu fais comme ça, tu prends ça comme habit, tu fais ça, ça, ça, ça. Ok, pas de problème. T'arrives là à telle heure. Même si t'arrives à 7h du matin, je suis passée à 15h. Donc t'es là-bas. Moi, j'étais en stress, je me décomposais là-bas, honnêtement, quand je suis arrivée. J'étais avec Kevin, ma petite sœur et la cousine de Kevin. Et franchement, je me décomposais, j'étais toute seule. Il y a des gens là-bas, quand ils perdent, ils pleurent en sortant de là, ils pleurent, ils sont là en pleurs, voilà. Ah bah oui, ils sont passés à côté de peut-être 20 000 euros. Et, Il y a de quoi pleurer, hein, quand même. Et puis, en fait, moi, je suis tombée sur la Saint-Patrick. C'était le moment de la Saint-Patrick. Donc, je serais passée avant. Il n'y avait pas de Saint-Patrick, mais je suis passée au moment de la Saint-Patrick celtique irlandaise. Je me suis dit, mais c'est de la grosse merde. Et je suis passée et j'ai dû chanter La tribu de Dana. Ouais. Et Gabriel, j'ai dû choisir Gabriel. De Johnny. Ouais. Ah ouais. Et D'ailleurs, je salue Johnny au passage. Franchement, si c'est là il arrête, c'est que ça va plus. Et après, à la fin, c'était je me voyais déjà en haut de l'affiche. Cette chanson, je la connaissais, mais je me suis trompée entre voyage et bagage. Ride. Donc on m'a arrêté et puis j'ai fait quoi? J'ai fait 2-3 points, je pense. Et puis ben voilà, après tu t'en vas et puis bah ciao, au revoir. Mais c'est très compliqué. Tu gagnes rien du tout. Non, il n'y a pas de lot de consolation. Mais tu dis que là-bas, déjà, le plateau est super petit. Bah oui. T'arrives là-bas, il y a les danseurs qui sont juste derrière moi. Il y a des danseurs. Oui. T'as un chorégraphe en face. Donc, qui danse, etc. avec eux. De temps en temps, tu vois une pancarte comme ça qui se lève. Ta gueule, bouge ton cul. Bien sûr. Attends, je voudrais comprendre. Moi, j'ai vu dans d'autres émissions. Il y a marqué ta gueule. Donc, moi, je veux. En fait, ils te préviennent avant qu'il va y avoir des pancartes et ils te disent c'est pas pour toi. Donc quand tu vois un ta gueule derrière, mais c'est pour qui? Bah c'est pour ceux qui sont derrière en train de parler. C'est pour dire arrête de parler, on te voit à la caméra. Pas quoi. Dire fermez-la plutôt que. Non, mais non, dans c'est, voilà c'est un TG quoi. Dans, c'est... Harry, dans 4 mariages et une lune de miel, je peux pas dire, mais on a un peu le même système sur certains plans. C'est horrible. Pendant que j'ai chanté et tout ça, il y a dans le mariage des choses qui se passent avec des gens qui disent à ce moment-là. Allez, par exemple, levez-vous. Parce qu'à un moment, c'est le truc, c'est que ça soit. Et bah, les gens, ils viennent faire parce qu'on leur dit, bien sûr. Non, mais t'as 22 techniciens autour. Ce qui était perturbant aussi, c'est que. C'est qu'en fait, quand moi j'étais en train de chanter ou parler, le micro de Nagui est en off. Ouais. Et en fait, quand il est en off, il peut parler à sa régie. Mm-hmm. mais quand il parle à sa régie que t'es à 30 cm de lui et qu'il gueule comme ça, ouais, qu'est-ce qu'on se fait chier ici, mon dieu, c'est horrible, c'est Patrick, t'aurais pas trouvé mieux comme titre. Et en fait, moi je chante la chanson, mais j'entends tout ce qu'il dit. Et lui râle à côté. Et il râle à côté, vraiment, il râle vraiment à côté. Et tu te dis, ouais, reste concentré parce que tu peux pas être, ouais, t'es, si franchement t'es pas dans le truc, déjà. Être dans un fauteuil devant sa télé et faire l'émission, ah oui, ça c'est facile. Oui, non, mais être sûr. Là-bas et faire l'émission, c'est complètement différent. Bien sûr. Ah ouais, et en fait, l'offre, c'est ça, ça, je l'ai retenu parce que ça m'a marqué, c'est que quand on est en train de chanter, lui en off, et il est là, parler, et il parle à sa régie comme il peut, voilà, mais en criant, en gueulant, mais t'entends rien en fait. Hein. Toi, il a après, l'air sympathique. Oui, il est quand même sympathique, il parce que tu es toujours en direct quand même. Ouais, ouais. Tu dois avoir une carrière. Sympathique. T'es un gros chien en la vie. T'es très sympathique. Mais, et ton boss, ta gueule. Mais non, mais de toute façon, on le voit pas avant, on le voit pas après. Bah oui, je il te salue pas, il te demande pas comment ça va, rien du tout. Il arrive, il fait son boulot, il te regarde, il regarde sa fiche, Maureen, il me regarde. Ah, Maureen, hop, il me serre la main. Mm-hmm. Voilà, c'est la seule fois où je lui dis bonjour. Je monte sur scène, je chante, j'ai chanté Rolling the Deep pour mon entrée. Oui. Et après, c'est tu fais la bise. Et attention, tu ne le tutoies pas, tu ne lui fais pas de blagues, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu dis pas peut-être ou tout. Tu dis pas touf, tu dis pas on verra. C'est tout des trucs que tu peux pas dire et te le disent directement. Mais moi, tu sais, avec le stress, ben, de temps en temps. Ben, en fait, ça chie, quoi. Ben. C'est casté. Non, c'est juste pour passer à la télé. Au besoin. J'ai fait tous ces genres de choses. C'était pas comme ça, hein, quand même. Je pense qu'il y a une époque aussi, mais c'est de pire en pire. Moi, depuis 3 ans, j'en ai fait quelques-unes. J'en ai marre. Ça me. Oui, non, mais je sais que c'est chiant. Ah ouais, c'est vraiment carré. C'est carré. Moi qui voulais chanter à la télé, j'ai chanté sur France 2. Je suis fière de le dire, mais je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Ah ouais. Un petit aparté, par exemple, change dans l'immobilier. Bon, je suis agent immobilier. Il y a Plaza, par exemple, c'est pareil. Maintenant, c'est casté. Et à un moment, il y a un truc superbe, c'est que le truc dit, mais non, on ne propose pas cette cuisine. Tu vois bien que les gens et tout. Et tu vois l'horloge, il est 7h05. Et en fait, tu vois sur le montage derrière une horloge à 7h10. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas du direct. Non, mais je veux dire, c'est pas du direct, mais c'est bien cassé. Oui, c'est-à-dire, on met les trucs, les plans sont faits, c'est inversé pour donner un moment, un style. Bah là, on en est malheureusement un peu à ça. C'est que tu peux pas dire ça, tu fais pas ça. Les gens derrière font ça et ça joue comme ça. Et donc, à la fin, tu dis, bah si, il rigole avec le candidat, c'est rigolo. Mais il n'y a pas que dans cette émission-là, moi aussi, l'envers du décor sur deux émissions, j'étais vraiment surpris. Mais j'ai connu ça aussi, Mais bon, l'avantage, c'est qu'elle est passée à la télé. Ouais, bien sûr, oui. Franchement, ouais, je me suis dit, ah, putain, enfin. Véro Solo, je ne sais pas si tu connais, a dit la même chose. Elle est passée aussi, la même chose. Alors bon, voilà, un peu plus, sans te péjoratif, mature, enfin plus. Qui a l'habitude, elle me dit, bon, c'est gentil, mais à un moment, j'y perdrai pas mon temps. Moi, honnêtement, si un jour j'aurais retourner, ce serait vraiment pour gagner de l'argent, quoi. Chanter. En plus, le truc, c'est que j'ai jamais chanté avec un orchestre derrière. Ah, oui. Ouais, ça, et en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas de balance avant. Tu testes pas ta musique. Donc, tu rentres, il joue. Et là, si tu te trompes, ben. Vous inquiétez pas, si vous vous trompez, ils vont essayer de rattraper le truc. Mais c'est pas le principe aussi, Maureen, si je peux me permettre. Le principe, c'est de connaître les paroles. Ouais, c'est ça. Ouais, donc après, limite, si tu te trompes, t'es vraiment dans l'émission. Dans les paroles, enfin, je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi, oui. C'est que t'es vraiment dans l'émission. C'est que t'arrives et que d'un autre côté, c'est connaître les paroles, mais d'un autre côté, l'orchestre y joue, et puis là, bah, t'es en live, et puis ça fait partie du jeu. C'est si tu te plantes, si tu fais nananan. Ouais, et ils ont dit, de toute façon, l'émission n'est pas coupée. Sauf si tu viens à tomber, à te faire très mal et à rester par terre. Donc si tu veux tomber. Et pas la voir à l'écran, tu restes par terre et tu dis « Aïe, j'ai très mal !» Donc, moi qui étais en talon de 20 cm, je me dis « J'espère que je vais pas tomber, de toute façon, quoi qu'il arrive, je reste au sol, comme ça, ça va te couper. » Mais non, il n'y a pas eu de chute. Ouais, bah non, mais... Il y a un moment donné, il y a Nagui qui vient me chercher, j'étais sur le siège, mon cul était resté collé sur le siège. Bah, c'est quand même Nagui, donc hein. J'ai galéré à me lever. Déjà, ouais. Et il vient me chercher, il me prend la main, et il y a deux marches à descendre. Mmh. Mais j'étais tellement contente d'avoir descendu ces deux marches en talons que je me suis dit, c'est bon. J'ai lâché sa main, en fait, instinctivement, et j'ai remonté les deux autres marches derrière. Et il arrive comme T'as ça. Il y a 20 Nagui, excellent. Et il dit comme ça, ah ouais, je viens la chercher, la meuf, elle est là, elle me jarte comme ça. Alors moi, j'étais là, je le regarde. Pas en direct, ouais. Ah si, on voit ça. Ouais, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. En plus, t'es vieux. Donc, je te jure, quand si je peux te montrer les. C'est toi qui as répondu ça. Non, non, c'est mais j'étais là. Oui, non, mais là, c'est bien, c'est un S-Groofer, c'est un mec de talent. J'étais là, ah oui. On peut pas lui retirer ça, il est bon. Bah, oh, ceci, il est bon, ouais, il est bon. Moi, je vais te raconter un truc, et c'est la vérité, vrai. Bah oui. Il y a une vingtaine d'années, il y avait, dans le cadre du Paris-Roubaix, il y avait toujours un concert qui avait lieu donc, au stade Vélodrome. Et il y avait donc un concert avec plein d'artistes à l'époque en vogue. Hein. Il y avait du Pierre Bachelet, il y avait du Art Mango. Non, il y avait du Art Mango. Ah, il y avait les Soldats Louis, genre de choses. Et c'était un podium RTL. Et j'étais fan et à chaque fois j'y allais et j'avais des entrées dans les coulisses. Et c'était déjà à l'époque. Hein. Et donc j'avais récupéré des autographes quand on est jeune, machin. Enfin bref, je récupérais des autographes. Et un jour, un rebeu vient vers moi puis il me donne un autographe. Je sais qui suis là. Et je l'ai jeté. Et c'était Nagui. Ah non. Si, si, sérieux. C'était Nagui. Et il t'a donné un autographe sans que tu lui demandes, quoi. Ah ouais, il était pas connu à l'époque. Hein. C'était, ouais, voilà, je dis, non, il avait la moustache. Il y a plus que ça. Il avait une moustache. Ouais, c'est vrai, il y avait une moustache, absolument. Il y avait une moustache, Nagui, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais, absolument. Ah, quand tu me dis ça, ouais, c'est vrai. Et il m'avait tendu son autographe et je me rappelle encore l'avoir eu dans les mains. Juste après, c'est Jérôme, d'ailleurs. Enfin, c'était Jérôme. Et je l'ai jeté, je lui dis, c'est qui celui-là? Je le connais même pas, quoi. Attends, je vais le garder finalement. Ouais, mais par contre, Nagui a gardé l'autographe de Harry. Voilà. Ouais, futur. Ouais. Ouais. Sûr, c'est ça. Ouais. Bon, bah, c'était bien. Bien. Et bah, c'était très bien. On a dépassé un peu le comme temps imparti, hein. Comme d'hab, mais on est bien, voilà. On te remercie, Maureen. Je vous en prie. On te fait un gros bisou. Ouais, puis, oui. On te voit le 21. Et on te voit le 21. Donc vendredi, à partir de 18h, soyez là, voilà, sur le podium central. Et puis vous aurez l'occasion d'entendre Libéré. Non, ouais, je voilà. Ne la chante pas celle-là. Ouf. Et on remercie aussi également tous les auditeurs qui nous ont écoutés, qui ont écouté Maureen. Alors je sais qu'il y a eu Valérie qui nous a envoyé aussi un petit message, qui nous écoute. Il y a Stéphane aussi également qui nous a envoyé un message. Sophie aussi qui envoie un message. Donc je lui fais des gros bisous. Et puis il y a également, il y en a d'autres aussi. Alors il y a d'autres messages que j'ai vu passer. On les salue tous. On salue aussi également Canon. Oui. Pour sa bonne humeur. Bah, toujours. Voilà. Toujours. Et sa verve, n'est-ce oui. pas? Oui, dans sa verve. Ouais. J'ai une grosse verve en ce moment. Voilà. On remercie Onissa aussi également. Ah oui, bonne soirée. Pour son sourire avec ses 50 de dents. Oui. Ben, moi, j'ai des dents, moi. Ouais. Oh, arrête de regarder Flipkat comme ça, c'est méchant. Merci à Flipkat. Je sais pas si j'ai bien fait le venir aujourd'hui. Merci, hein, tu as bien fait parce que tu as fait une belle chronique. Non, c'est entre pour la vu. Chaise roulante, les cheveux, tout ouais, ça. Ouais, mais là, c'était mais ton c'est tour. Pas grave, tout se paye, tout se paye. La semaine prochaine, ce sera mon tour. Mais ouais. Fais-le payer, t'arrêtes pas de dire tout se paye depuis. J'accumule. Oui, mais comment veux-tu? Tu sais, se faire accumuler. Se faire accumuler pendant des années, c'est. Non, mais blague à part, sérieux, très belle chronique donc, sur Chris Rea. Merci à Sherlock également. Mais il vous en prie. Voilà, donc pour ta chronique estivale. Oui. Sur toutes les reprises donc, des musiques des années 80 aujourd'hui. Vivement l'hiver. C'est ça. Des années 80 qui ont été reprises aujourd'hui. C'est ça, oui. Voilà, t'as vu, moi j'explique bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est concis. Et donc, pas l'inverse. Hein. Bah, Dieu qu'on concis, c'est un circoncis. Merci pour les sorties Cinoche aussi également. Oui. Et puis, donc, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Même heure, même antenne, bien évidemment. Il n'y aura pas forcément d'invité, je pense pas. La semaine prochaine, il peut je pense pas. Non, j'ai rien dans les bacs. Ouais, peut-être, on verra. Oui. À moins que Canon la veille nous dise j'ai une invitée. Oui, ouais. oui. Bon, on fera un retour quand même sur le 14 juillet, puisqu'on a eu l'occasion quand même de rencontrer Thierry Pastor, Sloan. Et pas Totawan, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on en parlera. Sloan. Sachez, oui, il y a une petite vidéo promo, et voilà, sous 15 jours, ça prend un peu de temps pour que ça soit bien fait, quoi. Donc, plutôt que mettre les rushs comme ça n'importe comment, je vais faire un petit montage. Dans 15 jours, vous aurez les interviews intégrales qui étaient très sympas, on a passé un bon moment. C'est vrai. Des stars vraiment. Peut-être un peu moins, mais. Tu t'es un peu fait clasher par Pat Ottawa. Ah ouais, ouais, il a pas aimé ma chemise. Il a pas aimé ma chemise. Bah, personne n'aimait ta chemise, mais lui, il a dit. Bon, ben on se quitte en musique, évidemment. Oui, avec. Eh ben avec Soldat Louis, parce que t'en as parlé. Ah, du rhum, des femmes. Ouais, c'est ça, du rhum, des femmes de Dieu. Ils tournent encore, d'ailleurs, les Soldats Louis. Ah, c'est bien possible. Ils ont bu. Eh bien, c'est pas Totawan, c'est pas Totawan qui en avait parlé aussi avec Martiniquaise, Martiniquais. Martiniquais. Ouais, enfin lui, il a dit comme ça, mais je pense que. Non, c'est... je crois qu'il. Mais voilà. Ça. Ok. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Ciao. Ciao.